Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Le plan de cette semaine, assemblage requis. J'ai mal préparé mon affaire. Je pense qu'on va recommencer, ça a l'air trop fou. On recommence. C'est parce que Steph est là. On recommence, ok, attention. Le plan de cette semaine, assemblage requis. Stéphanie Paradis nous rendra visite pour la première fois de l'été. On mangera nos émotions avec un buffet à volonté de la malbouffe de la semaine. Il y aura probablement d'autres choses, mais beaucoup moins importantes probablement. Yay! Yeah! Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis pour la semaine du 9 juin 2014. 19. Moi, c'est Mathieu Plante. T'as snuffé quoi, toi? Je sais plus. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Eh boy, c'est Steph. Salut Mathieu, ça va? Oui, très bien. Toi, ça va? Mais ça va bien comme jamais. Sais-tu pourquoi? Pourquoi donc? Parce que mon ami a couché hier soir et je suis officiellement marraine. Ton ami a couché chez vous hier soir, a couché? Ouais, accouchée. Ouais. Ouais, elle a accouché, en félicitations. Ben oui, je suis allée la voir tantôt, une belle petite fille de je sais pas trop combien de livres. Ouais. Genre 5 livres et quelques, là. Aïe, c'est quasiment 5 et quelques livres de beurre. Ils vont dire à chaque fois. J'avais dit de se cacher, c'est ça. Ah ouais, aussi. Comme disait Louis-José, tu peux faire combien de burgers avec le bébé, là? Ça va me donner une idée, là. Ah, mais ça. Justement, parlant de burgers, en tout cas de se mettre des choses dans la bouche, on va pas manger de bébé aujourd'hui, ni se les mettre dans la bouche. C'est un gag de bébé mort un peu trop intense. Déplacé un peu. Non, aujourd'hui, on mange nos émotions, Steph. On vit plein de choses et on a besoin de manger nos émotions. Donc, on va faire un buffet à volonté de malbouffe de la semaine. Pas de bouffe de la semaine comme on faisait l'hiver passé. Non. Seulement de malbouffe. Oui. Oui, c'est ça, tu dis oui, à un moment donné aussi. Ça a l'air négatif, sinon. On rabourou du malheur. On rabourou? C'est-tu un mot? Rabroué. Je me sens rabroué. Rembourré, peut-être. Attends un peu. Je pense rabroué, c'est un verbe. Ah, t'as pas dit rabroué? Oui, oui. T'as dit rembroué. Non, là, c'est toi qui l'as dit. Ok, là, tu me mets des mots dans la bouche. Après, ça me met des bébés dans la bouche. Rabroué. Traiter, repousser avec rudesse. C'est nous autres, ça? Oui, je te rabrou. Merci. C'est comme la super pièce de théâtre. Rabrou. Rabrou, c'est comme le reboot de Brou. À jouer souvent, là. À soi, c'est quoi? Je pense que c'est rabrou. C'est ça? C'est rebrou, mais rabrou. Ouais. Bref. Aujourd'hui, donc, trois fois la mabouffe de la semaine, mais fois deux là-dedans, c'est comme une formule mathématique. On aurait deux fois, trois fois. C'est ça. Donc, vers le milieu, trois quarts de chaque heure, chaque portion de l'assemblage requis, on va faire la malbouffe de la semaine avec ta malbouffe de la semaine et ma malbouffe de la semaine. Ça va être génial. Ça va être, comment je dirais, crise cardiaque. C'est ça. De gros. J'allais dire nécessaire. C'est pas mal là qu'on est. On a besoin de ça. De toute façon, t'as pas dîné? Non, j'ai pas déjeuné non plus. Ah ben là, Est-ce que tu vas faire un déjeuner, un dîner puis un souper dans tes malbouffes, hein? C'est ça l'affaire, hein? C'est ça l'affaire. Oh, on s'est arrangé. Parce que moi, j'ai juste des collations, des fins de soirée et des fins de nuit. Ah ouais. Believe me. Trust me, bitch. Oh. Ouais. Je te traite de bitch toujours. Ah, ben ouais, c'est vrai. Ben, je te rabrou again. Ah! Et autour de ça, étrangement, on va aussi faire des chroniques normales parce que... Ah ouais? C'est nécessaire. On fait pas juste manger. Hey, on aurait pu aussi, hein? Non. Tu voulais faire une malbouffe par demi-heure à l'origine, hein? Non, mais ça revient, c'est le même nombre de malbouffes au total, sauf qu'on fait des duos. Mais on aurait commencé à manger là. On a encore le temps de changer de plan, hein? Non, trop tard. Autour de ça, on va faire, donc c'est un fait, on a aussi 5 minutes, ça devrait répondre là, les instructions d'assemblage, le puiseur du hasard, la plus récente chronique qu'on a ajoutée. Ah, quel nom de... Ah, ben c'est ça qu'il... C'est un nom de caca, puiseur. Oui, ben c'est là que ça s'en va, je pense, hein? Quand je suis dans la rue, ça s'en va dans le puiseur. Ben pas juste en rue, c'est quoi ça? Je sais pas, ben c'est le puiseur en tant que tel, c'est... L'endroit où se ramasse ça, là. Les déchets, c'est ça. C'est comme les égouts. Ouais. Parce que je pensais que puiseur, c'était genre peut-être la trappe en tant que tel. Ben c'est une réserve okay. de caca okay. souterraine. C'est ce que j'espérais. Moi, je me suis pas plus renseigné que ça. Je me suis dit, est-ce que ça rime avec hasard? Ben, c'est mon titre. OK. C'est ça ta recherche. C'est ça ma recherche. Un vrai scientifique. Je voulais savoir que c'était quelque chose qui ramassait la marde. Oui. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Oh oui. Je pourrais t'en trouver d'autres aussi, des synonymes de quelque chose qui ramasse la marde. On n'en parlera pas. Ta bouche. Là, tu parlais de toi, ouais, là. OK. Ouais. Hey, l'intro est tellement long, on dirait du netcon. Mais c'est pas vraiment une réserve. C'est plus un endroit où il fait juste sortir de ça. Okay. C'est comme un tuyau de toilette. Ah. On peut arrêter là aussi. Ouais, si tu veux. Donc, dans quelques instants, c'est un fait. Mais avant ça, on écoute une nouvelle entrée de Chromeo sur le palmarès anglophone. C'est comme Romeo Chromé? Ouais. J'aime pas ça le chrome, je trouve ça. Non, j'ai mis le stainless steel. Ben, ça se ressemble, là. Non. Non, parce que de l'acier brossé, c'est brossé comme. Puis du chrome, c'est comme trop shiny. Mais là, t'as pas dit du stainless brossé, là? Ben, stainless, ouais, j'avoue. Hein. Brossé, c'est beau. Ouais, c'est ça, mais. Ça tâche moins. J'allais le dire, t'aimes ça, toi, brossé? T'sais? Comme dans le jeu Mario Bros, évidemment. Soit Mario Bros brossé, ou marioté. Marioté. Voici Jealous Angel with Edison. Ah, ça m'a fait. But her destiny's got us intertwined. And is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When talk to my girl, I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. What is she thinking? Too much uncertainty. Why can't she give some sort of sign? But you know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. Ooh, I can't help but lose my temper and I don't know why. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous, but I'm too cool to admit it. When talk to my girl, I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. I ain't with it. From a loving, I wish she'd care to see, but she only cares when she's so inclined. And I fret so much about her loving, I wish she'd let me be, but her destiny's got us so intertwined. Back in 2011, I decided to not let this play with my mind. But when the boys from out of town, they come back around, I feel like I'm meeting a crime. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. I get jealous. But I'm too cool to admit it. When the fellas talk to my girl, I ain't with it. Chromeo et Jealous I Ain't With It, c'est une nouvelle pièce de la semaine passée du côté anglophone en position numéro 15. Voilà. Toujours Assemblage Rocky et la première chronique sur le bord, c'est toujours. Et là, je pense que tu n'as jamais chanté la chanson. Hein? Hein? La chanson de C'est un fait. Il y a une chanson? Il y a une chanson de C'est un fait. Ah, oh, shit. Attention. Pourquoi je suis venu ici? Tu vas pouvoir embarquer sur le deuxième couplet, OK? Parce qu'il est pas mal pareil comme le premier. Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Ça va être là. Je suis déjà mêlée. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Eh, hey, bravo! C'est un fait, c'est la clé des choses visibles et établies vérifiables. Avoue que si t'avais manqué cette opportunité-là de la chanter au moins une fois, t'aurais été triste. Dans ma vie. Vraiment? Ouais, ouais, oui, ça, vraiment. Ça a été un manque. Dis-le, là, comment? Ah, j'aurais été triste. Bon. Donc, moi? Ouais, ça va faire la fin. Commençons donc avec une rafale de faits pour commencer. Après ça, on passera à des faits plusieurs en détail. Oui. En détail. Dans les années 1980, la compagnie American Airlines, les avions, ils ont économisé 40 000 $ par année en enlevant une olive de chaque salade qu'ils donnent, ben, qui vendent, en fait, qui sont inclus dans le prix du billet. Donc, en enlevant une olive par salade, 40 000 $ par année. Ouais, mais 40 000 $ pour une compagnie comme ça, est-ce que ça fait vraiment une différence? C'est avec des 40 000 $ qu'on fait des 100 000, il y a ça des millions. Oui, oui, oui, oui, c'est sûr. Tu coupes les coins un petit peu. Mais j'imagine qu'ils ont coupé ailleurs aussi, je veux dire. Oui, j'espère pour eux. Non, c'est, je veux dire, on s'entend, une olive, ça paraît pas sur le service. Donc peut-être qu'il y a un autre petit quelque chose comme ça qui paraît pas. Mange avec vos mains, tu sais. Genre. Ustensiles, ça va paraître. Ouais, ouais. Si t'enlèves un petit peu de poulet dans ta soupe au poulet ou des trucs comme ça, ça. L'olive, t'aurais pu enlever juste le petit morceau orange dedans. J'avoue que ça a pas grand-chose. Le petit chose. Piment. Le petit piment, ça. Ben, c'est farci au piment. Là. Farci au piment, mais ben, c'est pas ça, nécessaire, ça. Pas nécessaire. Ben oui, mais il aurait fallu qu'il engage du monde pour enlever du piment dans le milieu des olives. C'est ça, parce que ça vient avec le piment. T'as ben oui. Si t'aimes pas, quand on parle de surfer sur Internet, tu sais, les surfers sur Internet, là, c'est ouais, très, très tendance. Cheveux comme dans le vent. Cheveux dans le vent sur l'autoroute d'information. Il faut blâmer Jean Armour Pauly. C'est elle qui a inventé le terme surfing the Internet dans les années 90. Donc, bravo. Les pays où les casques pour vélo sont obligatoires, il n'y a pas eu de réduction dans les blessures. Par vélo, selon le Daily Telegraph, le 30 mai 2014. Dans les pays où c'est obligatoire, il n'y a pas moins d'accidents de vélo. Ben non. Les accidents ont lieu pareil, mais sûrement que les gens sont moins blessés. Moi, ils sont peut-être juste moins morts. Non, ça, ouais. Ça dit qu'il n'y a pas eu de réduction dans les blessures reliées au vélo. Ah. À cause des. Dans les pays où, y a pas, où c'est obligatoire de porter le casque. Et voilà. Voilà. C'est réglé. Ok, je vais rester peigné. C'est quand je vais faire béni. Du vélo. J'entends, je vais rester béni, je fais comme. Béni comme par Dieu, et c'est pour ça que je meurs pas quand je fais du vélo. Non, non, béni, le poulet. Le restaurant barbecue. Ouais. Par centimètre carré, les humains ont le même nombre de poils sur leur corps que les chimpanzés par centimètre carré. Le même nombre de poils, c'est-à-dire que sûrement qu'eux, ils sont juste plus garnis, plus foncés, mais ils ont le même nombre de poils en tant que tel, par centimètre carré. Ouais, mais ça, c'est relatif, là, parce que de toute façon, c'est pas tout le monde qui a la même densité de poils. Exact. Pilosité, qu'on dit. Ouais, c'est ça, c'était le mot. Ouais, c'est ça. Je l'ai t'aidé. Mais, ouais, peut-être qu'il, je sais pas, il est plus dru, épais. Ouais. Hey, un magasin d'oreillers qui s'appellerait Pillow City, hein, c'est pas. Pillow City. J'aimerais ça. Ouais, je sais pas si j'irais là. Pas sûr, hein, c'est. Ouais, c'est ça. C'est faire des poils d'humains ou de chimpanzés. Ah, c'est dégueulasse. Tu charges 160 $. C'était la journée nationale des beignes récemment, Steph. Ah, on parle bonne du 6 fête. Juin. Oui, bonne fête aux beignes. Non, non. Toi, Mathieu. Ah, merci à moi. Donc, à l'origine, ça rendait hommage quelle date? Au... Le 6 juin. OK, j'ai compris. Juillet, j'étais quand c'est pas arrivé. Non, non, non. C'est... Okay. 6 juin. Ouais, ben, c'est parce qu'il n'y avait pas de jour, tu sais, mettons le 0 juin, parce que ça arrêtait en forme de beigne. Il aurait pu le faire le 8. Deux beignes. Ah, ben oui, double beigne. Double beigne. Double beigne. T'es obligé d'en manger deux, tu sais. C'est ça, dans chaque jour. Donc, à l'origine, c'était pour rendre hommage aux bénévoles de l'armée du salut qui servaient des beignes aux soldats à la Première Guerre mondiale. Ah, c'est chouette. Belle récompense. Au lieu d'en mettre un dans chaque joue, moi, je pense qu'on devrait en mettre un dans chaque doigt. Ça rentrera jamais. On gâche, tu sais. Ah, ouais, on va essayer ça. non, je trouve ça cool, un beigne, tu sais, soit aller donner du sang ou bien aller à la Première Guerre mondiale, je veux du sang, là. À crème, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Tous les serpents savent nager, ça va être ça. Me. Non, je te jure. Anna Montana de Disney, le personnage aurait pu s'appeler Alexis Texas à l'origine, mais là, c'est devenu le nom d'une porn star, Alexis Texas, pour vrai. Non. Je te jure. Oh mon Dieu, ça a passé proche. Et boy. De toute façon, c'est. c'est peut-être mêlé pour vrai. C'est ça, parce qu'on sait pas la différence entre une pute et mêlée, sérieusement. Les chercheurs de l'Université de Bretagne-Sud nous apprennent que monter le volume de la musique dans un bar de 72 décibels à 88 décibels, ça va faire que les hommes vont boire 20% plus vite. Donc, tu sais, mettons un endroit, mettons, tu sais... Probablement parce qu'ils peuvent pas parler, ils s'entendent pas. Ben c'est ça, fait qu'à la place, tu bois plus souvent. Fait que quand t'aimes pas un bar à cause de mettre de la musique trop fort, ben Colin, tu fais... Tu bois chez vous. Si tu bois chez vous, ben oui. Tu bois chez vous à tous les soirs. Pas besoin de raison. que veut dire le mot en anglais « barbigerous »? Barbigereux. Barbigerous. Barbigerous? C'est pas un restaurant, hein? Barbigerous. Barbigerous, je sais pas. Je sais pas. C'est-à-dire, c'est avoir une barbe. Ah, juste ça? Ouais. Je cherche en français, qu'est-ce que c'est? Barbelicious. Barbelicious. On va dire barbelicious, c'est beau ça. Je sais pas, je trouve pas la traduction en français. Si t'envoies 600$ et une photo de tes fesses à la mère de Sylvester Stallone, elle va prédire ton futur. Quoi? Si t'envoies une photo de tes fesses et 600$ à la mère de Sylvester Stallone, l'acteur... Elle va te dire ton futur. C'est comme une diseuse de bonne avant-cuisse ou de bonne arrière-cuisse. Ou, Mais voyons donc. Ouais. Mais voyons donc. C'est pas quoi, ça? C'est pas quoi? Ensuite, au début des années 70, on a parlé tantôt de American Airlines et leurs olives, tu te rappelles? Oui. Dans les années 70, ils avaient un piano lounge à l'arrière de leur 747. Donc, il y avait un gars qui jouait du piano et les gens dansaient dans l'avion. Mais voyons donc. Je te jure, il y a des photos toutes sur assemblagerequis.com, je te jure. Il y avait même un beau tapis vintage. Ben, dans ça, il était pas vintage. Ouais, c'est ça. Les coupes de cheveux étaient aussi vintage à l'époque. Pas à l'époque. maintenant, en tout cas. ouais. Un animal de compagnie sur la tête. En 2002, Steven Spielberg... a terminé le collège, l'université, bref, après 33 ans d'hiatus, donc entre ces deux périodes d'études, il a même donné son film La liste de Schindler comme, ben, pas devoir, mais comme texte qu'il avait à remettre. Et okay. Il a réussi à passer son cours en 2002. J'espère. Ben là. Imagine-tu, s'il avait pas passé son cours, ouais. Le prof. Sac-moi ça dehors. Non, c'est ça, puis là, comme l'affaire de Stephen King que tu mentionnais tantôt, là. Ben oui. Tu sais. Les genre, critiques, les c'est critiques. Comme... Mais là, tu sais-tu qui je suis? Don't you know who I am? I'm... C'est qui déjà? Tantôt, c'était qui? T'as un peu. C'était Steven Spielberg! Steven okay, motherfucking ça, tu... Spielberg! Oui, c'est ça que je cherchais. C'est ça que je cherchais. Le mot robot vient d'un mot tchécoslovaque, robotovat. Robotovat, qui veut dire travailler très fort. Ah ouais? Travailler très fort, un robot. Ah! C'est vrai, ça? Mm-hmm. Ça dépend... Ouais, ben, ça dépend comment il a été programmé. S'il a été programmé par un paresseux, le robot va être paresseux. Mais ça dépend, là, ça peut être un robot culinaire. Oui. Des fêtes en souper. Ça travaille fort. Oui, oui. Oh. Ben oui. Une compagnie californienne a développé un parfum qui va faire que les vaches vont sentir comme les humains. Donc, les moustiques vont aller mordre les vaches, ben mordre, piquer les vaches à la place de piquer les humains. Ouais, mais les moustiques piquent pas déjà les vaches? Ouais, mais plus encore, là, ils vont arrêter de... Ouais, je sais pas. Ils vont encore plus les piquer, j'imagine. Je m'excuse, mais à chaque fois que j'approche une vache, c'est pas arrivé souvent dans ma vie, mais les fois où j'ai approché une vache, ils se faisaient aller à queue pour faire enlever des moustiques. Là, okay. Parce qu'ils sont tout le temps pleins de mouches. Parce qu'on est en marde, puis ça pue. Ah, peut-être les mouches, mais pas des moustiques. Ah! Donc, ah! J'avoue que ça dit moustique dans le truc. Là. Ah ouais, moi, je voyais des mouches, mais moustiques, je sais pas. Peut-être. Il va falloir qu'ils s'occupent de ça, qu'ils moustiquent about that. moustiquent about that. OK, ça s'occupe, c'est un moustiquaire. Les baisers à la française, French kiss. À l'origine en fait, de la phrase French kiss, ça décrivait un baiser sur les deux joues. Ah. Avant d'être ce qu'on connaît maintenant comme un là, French kiss. C'est quelqu'un kiss. Qui avait pas de visou. Fait quoi, il visait les joues, mais il a manqué sa shot, c'est ça? Il manquait de visou. De visou, ouais. De visou. Ouais, ouais. Ouais, ouais. L'œil gauche de Julia Roberts, l'actrice, elle pleure quand elle est nerveuse. Ah. Son œil gauche. Hey, ça, c'est bon à savoir. Comme c'est intéressant. Je sais bien. Un sondage japonais en 2006 nous apprend que 44% des gens qui ont répondu à ce sondage-là trouvaient qu'être en relation, en couple, était fatigant, ou même vraiment fatigant. Ça les fatigue. En 2006, 44% des Japonais trouvaient que c'était pas le fun d'être en couple. Ben, pas le fun, mais que ça les fatigue. C'est épuisant. Épuisant. Ouais. Mieux dit. Tout à surveiller l'autre. Tout. Prends tes pelures! Ah ouais, c'est ton ça. Brocoli! Ah, okay. Ah non, t'as plus une mère, ça. OK. Des fois, la limite est... Et la c'est ligne aussi très est précis à ton couple, mais ouais, c'est aussi... Non, pas du tout. OK, non. Les bébés humains ne peuvent pas se reconnaître eux-mêmes dans le miroir avant l'âge de 18 mois. OK, avec mon chat a l'âge mental d'un bébé humain de moins de 18 mois. C'est exact. Russell Crowe a déjà été un chanteur, ça veut dire ça? Il portait un pompadour. C'est-tu le frère de Sheryl? Sheryl Crow? Non, la... Non. Non, peut-être, je sais pas. J'en fais juste nom, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Il s'appelait Ross le Rock. Ross le Rock. Pas le coq, le Rock. Ross le Rock. R-O-Q, même Rock. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est pour ça qu'on ça a pas pogné. Hein? Ben, je pense que non, sa carrière était ouais. Très courte. Ensuite, on va parler un petit peu plus en détail de ces prochains faits-là. Le Japon a 67 saveurs de Fanta, les petites boissons gazeuses. Mmh. Oui, 67. Donc, c'était quelqu'un qui aime les combinaisons, la personnalisation. Fanta offre une douzaine, même plusieurs douzaines de saveurs, d'options de saveurs dans le monde. Le Japon est évidemment celui qui en a le plus. Donc, 67 saveurs, certaines avec un petit indice dans leur nom, mais d'autres un petit peu plus floues. Par exemple, Mystery Fruit, Genius Energy, et hip-hop. Qu'est-ce que ça peut bien goûter, une boisson au hip-hop? Hip-hop? Pas sûr. Donc, la plus vieille saveur japonaise, c'est une des plus ennuyantes. Club, qui, j'imagine, goûte le club soda. Là, sûrement la saveur par défaut, pour enlever des taches sur le linge. Ça existe depuis 1958. La plus récente saveur est une phrase au complet. C'est « Carefully selected mellow flavor muscat ». Muscat, c'est une sorte de raisin. Donc, sélectionné attentivement à saveur douce de muscat. Donc, de toutes les saveurs qui existent, il y en a seulement une qui a été retirée. C'est en 2006. La saveur ordinaire de framboise a été enlevée. Je comprends pas. Pourtant, c'est une saveur que t'as pas choisi de garder. C'est la meilleure. Framboise. Ouais, ça devait être bon. J'aimerais vraiment ça goûter à ça. On sait pas encore pourquoi cette saveur-là a été retirée. Par contre, la saveur R18 existe encore. Bon, on sait pas ce que c'est non plus. Ah ben, elle doit être vraiment bonne. Pour avoir gardé sa place alors que framboise est partie, c'est sûr. Nicolas Cage a déjà été la vedette d'un film de Superman, ça va être ça? Non. Tu l'as jamais vu, hein? Non. Ben, tu le verras jamais non plus. Ha ha ha. Donc, peux-tu imaginer Nicolas Cage dans le rôle de Superman? Ben, non. Non, vraiment pas. C'est presque arrivé. On a essayé donc de faire un film de Superman. Warner Brothers avait un plan. Il voulait faire Superman Lives. John Peters, qui a produit Batman en 1989, ne voulait pas que Superman porte son habit rouge et bleu. Aussi, il ne voulait pas que Superman puisse voler parce qu'il trouvait que c'était juste trop ridicule de le faire voler. Donc, Tim Burton a été amené pour réaliser le film après ça. Et Nicolas... Non, pas sûr. Hein? Et Nicolas Cage a été choisi pour jouer Superman. Le film était supposé sortir en 98. Cage a signé un contrat pour jouer Superman et il devait se faire payer, selon son contrat, 20 millions de dollars, peu importe si le film était fabriqué ou pas. Okay. C'est une très bonne idée de la part de son agent, j'imagine. Donc, les coûts ont commencé à vraiment monter sans cesse. On remettait le début de la production de plus en plus tard. Dan Gilroy a réduit les coûts en réécrivant certaines parties du script pour rendre ça, j'imagine, moins effets spéciaux et tout. Le film a été mis sur la glace pendant un certain bout de temps. Burton a quitté pour faire Sleepy Hollow. Mm-hmm. Warner Brothers n'a pas réussi à trouver un remplaçant pour Burton. Le film n'était toujours pas fait en 2000 et Nicolas Cage a quitté le projet avec ses 20 millions de dollars. Tabarouette, hein? C'est une histoire, hein? Mais, tu sais, je sais pas, je trouve que Tim Burton, ça peut bien fitter avec l'univers de Batman, la façon qu'il a porté ça. Si on compare avec la série télé, je trouve que l'univers se prêtait bien, mm-hmm. Mais il me semble que Superman, c'est moins... pas burlesque, il me semble que c'est moins fantaisiste, c'est moins cartoon, ouais. Un peu. J'ai l'impression que ça aurait fait bizarre. Peut-être que ça aurait été super bon. Des fois, on n'a pas l'esprit artistique de ces gens-là. C'est ça. Et peut-être qu'il aurait pu s'adapter aussi au format un petit peu de Superman. On ne sait pas si ça aurait pu mener vers une grosse trilogie à succès, mais bon, on ne le saura probablement jamais. Ah, Nicolas Cage, moi. Ça aurait été bizarre. Au Royaume-Uni, les taxis s'appellent des Hackney Carriages. Carriages, c'est le truc avec des chevaux, là. Une charrette. Une calèche, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, Hackney Carriages, c'est les seuls taxis qui ont le droit de ramasser des gens, des passagers, dans la rue. C'est pour s'assurer que chaque conducteur ait la connaissance des rues dans lesquelles il se promène. En fait, Londres a passé un test qui s'appelle The Knowledge, la connaissance, pour avoir le droit de conduire un taxi. C'est le test le plus demandant pour les conducteurs de taxi. Ceux qui appliquent ont souvent besoin de 12 apparitions à cet examen-là avant de passer. En moyenne, on étudie pendant 34 mois pour avoir son permis de taxi. Ouais. Les conducteurs, donc les chauffeurs de taxi, doivent être capables de décider quelle route prendre immédiatement lorsqu'un passager leur demande, à la place d'avoir arrêté ou de nos jours suivre un GPS ou appeler le répartiteur, etc. Donc, il y a deux types de badges disponibles. un badge jaune pour les endroits genre banlieue, si on veut, et un badge vert pour Londres au complet. Et on considère le test pour le badge vert beaucoup plus compliqué à avoir pour avoir un permis de taxi à Londres. Ah. C'est vraiment cool. On revient au cinéma. Arnold Schwarzenegger, tu m'as parlé de ça en ronde tantôt. Qu'est-ce que tu m'as dit sur Arnold Schwarzenegger déjà? C'est un spoiler sur Game of Thrones? Oui. Moi, ouais, fait que... Fait qu'on n'en parlera pas. OK, parfait. Tu te rappelles la phrase « I'll be back » avec une voix meilleure que ça? Hein? Oui? I'll be back. Je serai de retour. je reviens dans deux minutes. Quand, dans la version française, c'est « je reviens dans deux minutes ». Ah oui, j'imagine. Donc, c'est une phrase très connue de Arnold Schwarzenegger dans son rôle dans le film Terminator. C'est ça, je me disais, c'est mais... ça. Les choses auraient pu être différentes. James Cameron, c'est pas ce qu'il voulait faire, en fait. Schwarzenegger, selon James Cameron, il l'aurait mis, lui, dans le rôle il aurait pas été le méchant, il aurait été le héros du film. Cameron, à l'origine, voulait le mettre, donc ce futur gouverneur de la Californie, dans le rôle de Kyle Reese, le héros du film, qui recule dans le temps pour protéger Sarah Connor et empêcher l'apocalypse, etc., des machines. Après avoir lu le script, par contre, Schwarzenegger a demandé le rôle du méchant. Cameron l'a refusé à la base, disant que Reese était une vedette, avait l'air d'une vedette de film d'action et que Arnold Schwarzenegger lui aussi avait l'air de ça, alors que le Terminator n'avait pas de réplique ou presque pas dans le film. Schwarzenegger lui a dit « Fais-moi confiance » et le reste est passé à l'histoire. Donc Terminator qui est sorti en 84 fait plus de 38,4 millions de dollars au box-office alors que ça avait coûté seulement 6,4 à faire. Oh. Il a fait 4 millions de dollars aux États-Unis pendant sa fin de semaine d'ouverture et on dit maintenant que c'est un film d'action classique. Donc, le que je n'ai pas vu. Moi non plus. Ben, sûrement des bouts. Wow, c'est ça, parce que ça passe à TVA régulièrement. Ben, c'est ça. Faut quasiment que tu fasses attention pour pas l'éviter. Pour l'éviter. Pour pas l'éviter, ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Les compagnies de tabac en Chine ont aidé à reconstruire des écoles primaires après des tremblements de terre qui ont causé des problèmes en 2008. Les compagnies utilisent maintenant ces écoles-là pour faire de la publicité. Et c'est ce qui cause la controverse. Une école a même le nom de son aidant naturel. Sichuan Tobacco Project Hope Primary School. L'école primaire projet du tabac Sichuan de l'espoir. Ouais. Donc, sur ces murs, il y a des affiches qui disent « Travaillez fort pour la société. Le tabac peut vous aider à accomplir quelque chose. » J'aime pas ça. Non. Il y a plus de 70 écoles commencées par les compagnies de tabac en Chine. Gu Zhenzhen, le porte-parole de China Youth Development Foundation, dit qu'ils veulent contrôler le nombre de commandites de compagnies de tabac. Mais oui. Mais certains des endroits les plus pauvres n'auraient pas d'autres commanditaires. Pendant ce temps, les compagnies de tabac disent qu'elles devraient avoir le droit de commander ces écoles-là et de faire la publicité. Ils devraient pas être empêchés de contribuer à la société simplement parce que les cigarettes qu'ils produisent nuisent à la santé de ses utilisateurs. Ils disent le pas peuvent nuire, nuisent. Mais oui. Je pense que tout le monde le sait. Mais bon, on peut se dire d'un autre côté, s'ils peuvent éduquer ces gens-là dans des écoles, ouais, et leur apprendre que la cigarette, c'est pas bon, peut-être qu'ils vont pouvoir faire la juste part des choses. J'espère, mais avec des publicités qui disent la cigarette va vous aider à accomplir quelque chose. Moi, ça, je trouve ça déplacé. Accomplir à puer de la bouche. Tu sais, le nom de la compagnie de tabac dans le nom de l'école... OK, c'est sûr que c'est limite, mais ça peut fonctionner. Mais le slogan, c'est plus la propagande que la publicité. Là. Exact. Jusqu'aux années 50, la variété principale... Hey, j'ai choisi ce sujet-là pour toi, j'ai oublié de le dire. Hein? C'est un article sur les bananes. Ah, excuse, je vais t'écouter d'abord. Ben, c'est ça. Jusqu'aux années 50, la variété principale de bananes exportées aux États-Unis était la banane Gros Michel. La quoi? La banane Gros Michel. Gros Michel. Quel mauvais choix. Mais depuis ce temps-là, c'est la Cavendish, tu savais ça? Cavendish? La plus exportée. Ben non, j'aurais dit la Dôme. La Dôme aussi, j'aurais dit Dôme. Donc, on en parle. Donc, la banane Gros Michel a été bred. Bred, c'est cultivée. Non, cultivée ou en tout cas reproduite. De la même manière que la Cavendish. Donc, ça veut dire que les bananes sont toutes génétiquement identiques. Ça, tu savais ça? Chaque banane est génétiquement identique. C'est un peu pareil pour pas mal... des choses. C'est pas mal ça pour bien des affaires. On reproduit... Comme l'avocat, là, le légume. Tu me l'as dit en rond que c'est le fruit, mais t'es pas là pour me corriger, Steph. Oui, mais je voulais te le dire en onde, franchement. C'est bien. L'avocat, c'est un fruit. Texte-moi dans ce temps-là. Ben oui. Non, si tu veux que je t'écoute, je t'envoie ça, c'est illégal. Un accident, ça va... Ça mérite pas de t'apprendre que c'est un fruit. D'accord. Donc, elles sont toutes génétiquement identiques. Et à cause de ça, ça a été très facile pour un microbe super nuisible, d'éliminer complètement ou presque la banane Gros Michel dans les années 50. Ces bananes-là, donc, existent encore et supposément goûtent bien meilleur que les Cavendish et sûrement que les Bob Dole. Et par contre, il faudrait aller dans des magasins spécialisés ou même se rendre dans des pays comme le Congo pour pouvoir en acheter une. 99% de toutes les bananes dans les supermarchés sont génétiquement identiques, donc comme je disais tantôt, à la variété Cavendish. C'est l'article qui se vend le mieux aux États-Unis selon Walmart. Mm-hmm. L'article. La banane, c'est ce qui se vend le plus chez Walmart. C'est quelque chose quand même. En termes de nombre, sûrement pas en termes d'argent, j'imagine. Nombre de bananes. Banane. Donc même si la banane Cavendish est la seule ou presque banane achetée aux États-Unis, ils ont fait des milliers de variétés de bananes sauvages. Il y a un gros cartel, si on veut, de débarreurs de portes aux États-Unis. Engagé, ce qu'on appelle un locksmith, c'est un débarreur de portes. Oui, oui. Il y a sûrement un nom plus... mieux placé que ça en français. Un serrurier, voilà. Donc, en engager un aux États-Unis, surtout à Las Vegas, c'est très, très risqué. Il y a littéralement des milliers de serruriers qui sont listés sur Google et dans les annuaires, qui sont complètement faux et qui font partie d'un ring de crime organisé, si on veut. Donc, évidemment, quelle meilleure façon d'entrer dans des maisons par effraction qu'en se faisant ouvrir de façon légale par la personne qui te commande. Effectivement. Donc, la police enquête sur ces serruriers-là on croit que ça fait aussi partie d'un ring ou d'un truc de trafic humain. Donc, dans le même domaine, ils se servent de ça pour faire du trafic humain. Donc, les gens vont appeler le serrurier. Ils vont se faire... Dans le fond, ils vont se présenter chez la personne. Et ils vont se faire, dans le fond, prendre en otage, littéralement. Donc, C'est vraiment super épeurant. Ça vient de New York et de la Floride. C'est super organisé. Donc, les gens se font donner un prix par téléphone pour se faire débarrer leur porte. Lorsque le serrurier arrive et finit le travail, le prix est souvent doublé ou même triplé. Si les clients refusent de payer ou se plaignent, ils vont se faire menacer et les serruriers vont refuser de partir. Les victimes ont nulle part où aller et aucune place où se plaindre. On dit que la seule façon de savoir quelle compagnie est légitime, la police enquête là-dessus en ce moment, c'est ce qu'ils disent, d'appeler la compagnie d'assurance avec laquelle tu es assuré, leur demander une référence vers le bon serrurier reconnu. C'est quand même brillant la personne qui a pensé à faire ça, par exemple. Vraiment, là, c'est épeurant. C'est ça. Ils sont payés pour ça, je dirais, pour penser à des idées comme ça. Ensuite, les gens qui sont daltoniens. On n'a toujours pas de façon facile, ou en tout cas même faisable, d'empêcher ou de réparer le problème du daltonisme, j'imagine. Donc, être colorblind en anglais, y a des tests pour déterminer si vous l'êtes. Et l'armée militaire américaine a commencé à trouver des avantages à être daltonien. Donc, oui, c'est l'incapacité donc à voir des couleurs, certaines sortes de couleurs, ou de percevoir les différences entre les couleurs dans un éclairage normal. Les couleurs vibrantes ou en tout cas plus éclatées vont devenir noir et blanc. Ça va être difficile de déterminer certaines affaires. Par exemple, on dit que ça peut être causé par des dommages physiques ou chimiques à l'œil ou aux nerfs optiques à certains endroits du cerveau et ça peut aussi être héréditaire. Mm-hmm. Ça, je savais pas ça. Bref, les gens qui sont daltoniens ont tendance à voir mieux la nuit. Ils peuvent souvent voir la luminosité des couleurs que les gens avec une vue normale ne pourraient pas voir. Avec ce handicap-là et le fait que la perception des couleurs est différente, l'armée américaine a découvert que les gens daltoniens pouvaient voir le camouflage beaucoup mieux que les gens qui ont une vision normale. Ah. Donc, ça leur donne la possibilité de voir des ennemis cachés la nuit. C'est donc bien intéressant, ça. C'est fort. Wow. Bravo. Évidemment, il y a plein d'autres désavantages, mais... Comme ne pas voir les couleurs. Potentiellement. Pas capable d'agencer son chandail avec son pantalon. Tu fais-tu dur en ce temps-là? Moi, malgré que je connais des gens qui sont pas daltoniens et qui ont bien de la misère. Fait que... D'accord, je me sens pas visé dessus. Non, pas tout ça. Okay. Paris. Allons faire un petit tour à Paris. Qui a un seul stop apparemment dans la ville au complet. Ah, OK. Moi, je te dis, en tout cas, c'est ce que l'article nous dit. Ça doit décéder le passage. Moi, je sais pas, je pense pas. Donc, conduire à une intersection va être une cascade sans arrêt stop. La priorité à Paris, nous dit-on, la règle est le priorité droite. Ce qui veut dire qu'un conducteur qui approche à une intersection à droite a droit de passer en premier et les autres doivent se tasser. C'est plutôt la priorité à droite. Le seul stop dans la ville est à la sortie d'une bâtisse, d'une compagnie, dans le 16e arrondissement, qui est un arrondissement très, très riche. C'est confirmé, nous dit-on, par la police de Paris. Elles ont confirmé que le priorité droite est la règle dominante et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas plus d'accidents que nécessaire. En vrai, je comprends pas le principe, là, mais... De la misère à suivre ça aussi, là. Mais tu sais, juste de m'imaginer en Angleterre puis de devoir conduire une voiture avec le volant à droite, conduire à gauche. Non, je me sens mon gars. J'ai pas mes lunettes puis je perds quasiment l'équilibre. Le Council of Chief State School Officers et le National Governors Association Center for Best Practices in America. Ouh, ces deux endroits-là ont enlevé l'écriture en lettres attachées de ce qu'on appelle le Common Core State Standards pour l'anglais. Donc, c'est dans les cours d'anglais, tu as un noyau de choses qui doivent être enseignées à tout le monde. Bref, un noyau d'enseignement. Et ils ont enlevé les lettres attachées ou l'enseignement de l'écriture en lettres attachées. 41 États ont adopté ces standards-là, donc de ne pas enseigner du tout les lettres attachées. On nous dit, l'argument pour ça, c'est qu'enlever les lettres attachées, on dit qu'écrire, c'est plus aussi important, ça a autant de valeur dans les écoles, c'est plus autant utilisé au travail, les ordinateurs sont de plus en plus utilisés, et on n'a donc pas besoin d'écrire à la main en lettres attachées de nos jours. OK. L'argument contre, évidemment, c'est que d'enlever les lettres attachées du curriculum, ça va empêcher de mener à d'autres choses parce que de savoir écrire en lettres attachées, ça peut te montrer tes habiletés artistiques et peut-être te mener à faire quelque chose de plus artistique plus tard, peut-être. Mais il y a des arts plastiques aussi. Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est sûr qu'il y a des points pour et des points contre. C'est sûr qu'à un moment donné, il y en a qui vont dire qu'il va falloir évoluer. Puis, mais c'est parce que si tu veux signer quelque chose, tu n'as pas le choix que ce soit en lettres attachées. Ouais. Tu peux pas signer un en lettres moulées. C'est ce que je comprends pas. À chaque fois que je vais à la caisse ou à la banque et qu'ils me demandent de signer mon nom, je dois signer Mathieu Tousignan-Plante, qui est mon nom complet. Mm-hmm. Moi, je me dis, ma signature, ça pourrait être une grosse wave, une grosse vague avec un X à la fin, puis ça serait ma signature, n'est-ce pas? Oui. Mais je comprends pas pourquoi je suis obligé d'écrire le Tousignan. Moi, je comprends pas ça. C'est une signature, ça pourrait être juste un trait. Oui, je connais des gens, leur signature, c'était juste comme la première lettre de leur nom avec le nom de famille, puis une grosse barre, puis des trucs comme ça. Personne n'a jamais chialé. Quand c'est pas lisible, personne chiale. Moi, étant donné que ma signature, c'est quasiment comme mon écriture. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'on n'est pas des vrais adultes. Ah, c'est ça. Non, mais je veux dire, non, mais ma mère fait sa signature, puis c'est beau, c'est chic, puis. Ben, c'est artistique, ça a commencé au primaire avec la lettre attachée. C'est tout le temps, mon père, ma mère, leur signature, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps beau. Il y a une belle petite fioriture agréable. C'est ça. Puis moi, j'ai l'impression que c'est tout le temps une grosse chenoute. Mais moi, à l'école, j'ai appris à écrire en lettre attachée. J'étais pas bonne, mais j'ai appris quand même à écrire en lettres attachées. Je pense qu'aujourd'hui, ils apprennent en premier à écrire en lettres moulées et ça vient plus tard, ils apprennent éventuellement à écrire en lettres attachées. Donc, c'est un peu l'inverse. Mais je sais pas. Il me semble que... Mais il y a quand même des lettres que nous, on n'a pas appris. Il y a comme une sorte de lettre majuscule. Je sais pas comment ça s'appelle. Avec plein d'empattements partout. C'est ça, je sais que ma grand-mère, elle écrivait tout à ses lettres majuscules. Avec... Mm-hmm. C'était des... En fait, je sais même pas comment ça s'appelle parce qu'on n'a pas appris ça, nous autres. C'est fancy, là. Mais est-ce qu'on s'en porte moins bien? Non, sûrement pas. Mais en même temps, c'est que si tout le monde se met à écrire carré ou en majuscule moulé. Ben non, pas en majuscule moulé. J'écris en lettres moulées, mais pas nécessairement en lettres attachées. Puis je pense que c'est rare les gens qui écrivent en lettres attachées à un certain âge. Là. T'as bien raison. En tant que tel, c'est rare. C'est même très, très rare. Je trouve ça, même si on a appris ça en premier. Moi, j'ai appris ça en premier. Puis c'est quasiment prétentieux de voir quelqu'un écrire en lettres attachées, non? Ben moi, je me dis, oh mon Dieu, cette personne-là, elle est donc bien brillante. Elle va mettre des lunettes et avoir l'air aussi intelligente. Hein, comme nous. Moi, c'est ça, on fait semblant. Ouais. Il y a une barre de chocolat qui existait au beurre d'arachide dans le temps par la compagnie Mars. C'est la PB Max Bar, l'invention de la famille Mars. Donc, c'était un biscuit de wheat, c'est blé, hein, blé entier. Ouais. Oui. Ensuite, il y avait un paquet d'autres affaires dessus et une grosse tranche de barre de peanuts. 240 calories, 5 grammes de protéines, 20 grammes de carbo quelque chose. Glucides. 16 grammes de gras et 150 mg de sodium. C'était un grand succès, ça a fait au-dessus de 50 millions de dollars en vente. Mais un membre de la famille, de la compagnie Mars, Alfred Poe, a donné comme raison pour le retrait de la PB Max qui aimait pas le beurre de peanut. Ben là! Donc, il a enlevé la production. Un choix éditorial, j'aime pas le beurre d'arachide. On oublie ça. Mais là, c'est parce que tu comprends pas, je vais goûter. Là. Moi aussi, ça me donne envie. Puis en plus, on est à quelques minutes de la malbouffe la semaine. Les Tibétains ont évolué et peuvent vivre avec moins C'est quoi ça, un bétain? Un minuscule bétain. Les gens au Tibet. Ont appris à vivre avec 40% moins d'oxygène. Par rapport à la moyenne. Les études nous apprennent qu'ils ont un gène qui a fait une mutation. C'est le gène EPAS1 qu'on trouve chez 87% des Tibétains qui leur permet de fonctionner normalement à de hautes altitudes. haute altitude. Leur corps doit produire moins d'hémoglobine. Donc, ça représente l'évidence la plus grande de l'évolution humaine jusqu'à maintenant. Les populations qui vivent à de hautes altitudes vont s'adapter en produisant plus de cellules rouges dans le sang. Les globules rouges. Donc, ils transportent l'oxygène à travers le corps. Les Tibétains n'ont pas un haut taux élevé de ces globules rouges-là. EPAS-1 va venir régulariser le métabolisme aérobique et anaérobique, quelque chose comme ça, dans le corps. Ce qui fait que cette évolution-là est remarquable, c'est que ça s'est passé dans les 2750 dernières années, ce qui, côté évolution, est très, très court. C'est très intéressant, ça. Un autre qui va t'intéresser, je pense, il va falloir terminer bientôt là-dessus, mais que il n'y avait pas d'espace entre les mots jusqu'à ce qu'un moine irlandais change ça. Hein? C'est ça. Donc, c'est ça. Les mots étaient tout squeezés ensemble. Le latin, à l'origine, était écrit sans espace il y a quelques 2000 années. Tout, donc, continuait sans cesse. On était super habitués. Les gens comprenaient bien comme ça. Et tout ce qui était écrit, de toute façon, était utilisé juste comme aide-mémoire. On n'écrivait pas ça pour garder ça dans les dossiers. Là. C'était juste genre, bon, pour m'en rappeler, tu sais, acheter du beurre. C'est ça, j'allais dire, une pinte de lait, dis-toi. Il y a 2000 ans, c'est ça. Donc, les Irlandais qui... t'es habitué de voir du latin. Ils n'étaient pas habitués de voir du latin. Voilà. Ils sont arrivés au 5e siècle. Ils sont arrivés avec leur christianisme. C'est ce que je comprends de l'article. Ce bout-là me dépasse un petit peu. Mais un des moines irlandais a eu la bonne idée de révolutionner le mot écrit et ajouter des espaces pour rendre le texte plus facile à lire. Irish were beyond the control of the Roman... En tout cas, ouais. C'est bizarre. On dirait que c'est évident. Les espaces, hein, ouais. Ouais. Parce que tu commences à faire pour savoir quand se termine le monde. Ça. Mais il y a des trucs qui sont tellement évidents aujourd'hui que, comme par exemple, l'apparition du zéro. Ouais. Il y a eu un article, une chronique qui a été publiée, puis on en parlait dans le Zone Campus. Okay. Puis c'était l'apparition du zéro, c'est venu par après. Tu sais, c'est tellement évident, mais le zéro n'existait pas et le phénomène, si on veut, du zéro était difficile à comprendre à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on est comme, ben, c'est évident, zéro, comme le chiffre qu'il n'y en a pas, là. Mm-hmm. Ouais. Le zéro, c'était zéro. C'est fascinant. Mais, hein, c'est zéro. J'ai failli le faire. Dans quelques secondes, ce sera la malbouffe de la semaine, portion 1 de 3. Mais avant ça, voici Radio, 50 Shades of Beige. Ça, c'est fou. C'est une bonne idée, ça. Ben oui, je sais bien. 50 Shades of Beige, c'est quand t'es daltonien, mais. Camouflage, hein? Ouais. On pourrait se camoufler sur le mur là. Ça sont beige, mais pas ces deux-là sont rouges. Ouais. C'est sûr que ça a pas. La couleur c'est beige avec mes 50 shades of beige. Sauf j'aime la wig ton beige. Pop avec un nouveau tank top. Ça c'est nice, ça c'est hot. Du khaki c'est khaki avec un two-tone version. Du beige c'est beige. C'est comme un nouveau gris. Happy gris, tu sais c'est comme beige. Je vais mon beige, swear it, nothing better. Du beige c'est beige. C'est comme un bucket sur stage. Porter du beige, tu vois la vie en rose. J'vois la vie en beige. So beige, bixi, bicyclette avec des roues en beige. J'ai des dimons qu'est-ce que tu portes quand c'est fil plutôt beige. J'vis comme beige, c'est ma couleur. Puis j'vois porter du beige. 50 shades of beige, 50 shades of beige. Out of toutes les couleurs du rainbow. Ben moi j'plique la couleur beige. 50 shades of beige, j'suis real. 50 shades of beige, j'suis feu. 50 shades of beige, j'suis real. 50 shades of beige. It's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's real, it's je beige out quand ce que je file une miette beige. Il faut que tu beiges pour te rendre une miette beige. C'est ça qui est beige, pas que tu beiges. Ça qui est beige, c'est ça qui est beige. Beige in, beige out, faut que tu beiges it all about. Beige in, beige out, faut que tu beiges it all about. Je file beige, je file beige, je file beige, je file beige. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, 89.1. Toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Ah, et c'est le moment qu'on attendait depuis le début de l'émission. Ça fait 50 minutes à peu près qu'on remet ça plus tard. Parce non, qu'on mais faisait... ça, j'attends ça depuis lundi passé. Ah ouais, ok. Ben bon. Ben allons-y avec... on va mettre l'intro de la bouffe de la semaine parce qu'on veut l'intro longue pour commencer. Hein. Ben oui, mais oui. C'est la malbouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Non, non, la malbouffe. Présentation de Stéphanie, la dictatrice en chef. 10-06, Nérébeauchemin, UQTR. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Ben ceux qui pensent ça là, ben qui mangent la mort. Oh! C'est la bouffe de la semaine! Non, la malbouffe de la semaine! Ah, ben c'est pas ce que l'intro m'a dit. Aujourd'hui, on mange nos émotions, Stéphanie. On mange que la malbouffe. Oui. Pas de santé ici. Non, je pense pas. Ben... dans mes choix futurs dans l'émission, c'est sûr, j'ai essayé d'aller chercher des trucs peut-être un peu plus recherchés que du Cadbury. Okay, oui, oui. Je veux pas. C'est mon rose. C'est ça. Donc, je pense que... J'ai essayé quand même de distinguer ma personnalité malbouffienne de la tienne. Ah, tu fais bien, mais tu commences avec quelque chose qui me touche moi pas mal, je trouve. Ben, mais plus tard, on verra. Oui, c'est ça. Pour l'instant, je suis allée avec quelque chose. En fait, je l'avais déjà chez nous. C'était plus fort que moi, là. Donc, je peux y aller tout de suite avec celui-là. C'était plus fort que toi, mais t'as réussi à t'empêcher de le boire, là. Ben, c'était vraiment difficile, surtout que mon chum y a goûté devant moi. Ah, ouais. Là, il porte ma poche. Je dis, hey, non, t'es toi, je veux pas que tu m'influences. Donc, c'est un Mountain Dew. Donc, c'est le retour du concours Mountain Dew. C'est carrément ça, c'est carrément. Donc, il nous présente trois saveurs présentement qui sont sur le marché et on doit voter avant le 6 août, je crois. On doit voter pour la saveur qu'on préfère et celle qui va gagner va être mise en marché. Celle qui a gagné l'an dernier, regardez, j'aime pas la liqueur, mais celle-là, je me roule par terre, ça goûte le jujube. Donc, c'est comme s'envoyer directement du jujube dans les veines. Donc, c'est fabuleux, le voltage. C'est la bleue, oui. Qui est vraiment excellent. Donc, la coche est vraiment haute à atteindre. Là. Je sais pas si c'est possible. Moi, j'ai goûté... en fait, là, cette année, il y a la blanche, la rouge et la... comme violacée. Okay. Je me souviens pas des noms, malheureusement. J'ai goûté à la blanche, qui est... entre le 7-Up et la limonade. On dirait que ça me rappelle quelque chose. On dirait que l'année passée, elle était pas là aussi, la blanche. Il me semble qu'il y avait une blanche l'année passée, non? Mais peut-être que ça a changé de saveur. De saveur. Goût, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment entre le 7-Up et la limonade. Donc, c'est plus citronné, mais plus sucré. Donc, je suis pas certaine. Okay. Elle est bonne, mais pas de là à la mettre en marché. Moi, je l'achèterais pas. OK. Je la rachèterai pas par après. Là, aujourd'hui, On va goûter ensemble. C'est la Code Rouge. Si tu veux, je te dis en français. Code Rouge. Donc, elle est vraiment rouge. Rouge vif, hein? Mais encore, Code Rouge, pas mal sûr qu'aux États-Unis, était déjà disponible. Donc, je crois que c'est nouveau au Canada, d'après peut-être, moi. Peut-être. Ouais. Mais c'est ça. C'est comme une étude de marché qui font participer tous les gens. C'est la meilleure étude de marché qu'on peut faire. Ils font de l'argent en plus. Et nous autres, parce on qu'on l'achète. Non, c'est ça. Tout le monde gagne. Donc, Mountain Dew, Code Rouge, c'est très, très calorique, le Mountain Dew. Là, 280 calories pour la bouteille. Moi, je trouve ça totalement hallucinant. C'est bourré de sucre comme c'est pas possible. Mon Dieu, il y a... Oh, mon Dieu! Oh, bon, fallait pas qu'elle regarde ça. 76 grammes de sucre aïe, dans une bouteille. C'est incroyable. Génial. J'en reviens juste pas. On va être totalement sur un rush de sucre. Il y a de la caféine là-dedans, en plus. Ah, écoute, là. Le premier ingrédient, c'est de l'eau. C'est quand même pas si pire. Après, c'est glucose, fructose et ou sucre. J'enlèverai le ou. Je pense que c'est juste et sucre. Ça a l'air moins pire quand tu dis et ou. Ouais, c'est ça, mais je suis sûre que c'est et. Donc, la bouteille est belle, c'est traditionnel. Je trippe pas sur la couleur. Ben, c'est un rouge très radioactif, là, tu sais. Ben, le bleu est beau. Tu sais, la bleue, mais tu sais, rouge, ça a plus l'air de du jus. Déjà, c'est rare, je pense, qu'une boisson gazeuse qui va être rouge intense comme ça. Donc, même la boisson aux fraises est plus rosée, tu sais, mettons, la croche aux fraises, mettons. C'est plus rose que rouge. On voit pas du rouge flash comme ça, mais non, souvent, c'est vraiment rouge flash. Puis avec le jaune, c'est quand même beau, mais je trouve ça masculin comme look. Oui. Oui. Sur le rouge avec le jaune comme ça, c'est très masculin. Ça fait liquide lave-glace. J'ai l'impression de regarder le film Bagnole, mais en version liquide. Ouais. C'est ça de même. OK. Fait que, écoute, moi, je suis prête. OK. Bon, ben, allons-y. Je trouve le micro magique. Ouais. OK. On ouvre ça. Ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas utilisé. C'est encore rouillé un petit peu, je pense. Oh! Il me semble qu'il était faible un peu, non? Ben non. Ah. OK. OK. On va sentir ça. Sens ça. Ça sent le sucre. Et le colorant et le... C'était pas le colorant, mais le ben, le ça sent rouge, le sucre, mais ça sent... Ah, c'est difficile à dire. Ouais, il y a des choses comme ça qui sont tellement chimiques que tu peux pas vraiment décrire. Ouais, c'est ça. Fait que je vais en verser. OK, dans le micro magique, dans un verre. Sur le micro magique. Sur, ouais, c'est ça. Ah, ça va faire du bien, ça. T'entends-tu le pétillant? Oui, le micro va être gommant pour le reste de la journée. Elle est pas flat pantoute, fait que je te donne ça dans le couloir anti-dégâts. Merci beaucoup. Une chance qu'on a ce couloir anti-dégâts qui ne permet pas les dégâts. C'est pour ça. C'est dans le nom. Ben non, c'est ça. On l'a acheté pour ça. C'est ça. Donc, je vais m'en verser un verre aussi. Et j'ai bien hâte. J'ai hâte de goûter. Je vais sentir aussi pour pouvoir peut-être t'aider à l'écrire. Tu m'as vraiment mis un verre plein. Ben oui. Ça sent bizarre, on dirait que je suis pas sûr. Ça sent quasiment le jus de fruits. Mais j'ai l'impression que ça va être comme du jus de fruits. Tu sais, punch aux fruits, style Kool-Aid, mais gazéifié. Mm-hmm. En tout cas, j'ai pas beaucoup d'attente. J'aime pas l'odeur. Ah, ça va pas bien? Ça sent le jus de fruits? J'ai l'impression que c'est le mélange de Fruitopia et de 7-Up que je me fais quand je vais au Subway. Je fais tout le temps la même chose aussi. Ben oui. Ouais, Fruitopia et autre chose. Je suis sûr que c'est la même chose. Mm-hmm. Tu pourrais goûter? Goûtons. Ben, ça goûte le jus de fruits, gazéifié. Mm-hmm. C'est fake un peu comme... Ça goûte pas un fruit en particulier, on dirait que c'est comme juste n'importe quoi. Parce que le Fruitopia, ça goûte le fruit, tu trouves? Un peu. On mange pas les mêmes fruits, Mathieu. Non, ben c'est ça, moi c'est des faux, moi. Ouais. Mais je... Je mais sais c'est pas bon, ce que j'en mais... pense. C'est bon, j'ai pas l'impression que c'est une boisson gazeuse. Juste non. C'est pas assez gazéifié. C'est un bon point. Tantôt, je disais ça, que c'était frais à l'ouverture. Il n'y a pas beaucoup de bulles. C'est vrai, c'est peut-être pas assez gazéifié pour appeler ça une boisson gazeuse. Non, ça me fait faire des reflux quand même. Il y a des petits sirops par en dedans, mais c'est pas beaucoup. C'est intéressant. Merci. Faut dire quand même, c'est des détails importants pour le public. Donc, le rouge moyen. On va retourner à d'autres couleurs. La bleue est restée La bleue, écoute, je n'aime pas la boisson gazeuse, mais la bleue, j'en achète quand même. Pour que j'en achète, parce qu'il faut vraiment que ça soit tellement bon, là. Mais c'est le genre de liqueur que j'achèterais pas en 2 litres. On dirait que j'achèterais seulement en canette ou en petite bouteille parce que ça perd quelque chose avec les jours qui avancent. T'sais, si t'as oui, pas toute la même journée. Puis on s'entend en boire un 2 litres d'une shot, là. Mm-hmm. Oublie ça, tu tombes dans un coma. C'est trop. Glucosé. Une petite bouteille ou deux verres maximum pour moi. Et c'est que une boisson comme celle-là, flat et chaude, ça doit être vraiment dégueulasse. Ouais. Froide et flat, encore pire, je pense. Tu mets ton thermo au frigidaire, ta roue flat froide, ça c'est pire les cœurs. Flat froide, Ok, bon, donc parfait pour ça, notre verdict est bof, je pense. Hein? Ben, c'est bon. Je veux dire, tu m'en donnes, je vais en boire, mais je pense pas en racheter. Tant qu'à ça, je vais boire du Fruitopia. Ouais, c'est pareil comme du Fruitopia. Ben. Je peux pas dire que c'est pas mauvais, mais ça réinvente pas le genre du tout. Contrairement à la bleue. La bleue. Qui est excellente. Exactement. Est-ce que t'es prêt pour ma partie à moi? Ben vraiment. Parce que j'ai mon sac juste ici et je pense que ça paraissait de loin et je pense que tu m'as vu venir avec ce choix-là. Si tu l'as vu au magasin, tu savais que j'allais le prendre. Est-ce que tu l'as vu? C'est quoi? Oh! Oui! Oui, je l'ai vu! Oh mon Dieu! Je le savais! C'est les nouvelles Doritos roulettes. Oh mon Dieu! Oh oui, quand on passe devant, on ne peut pas s'empêcher de complètement capoter ben raide. Même si le sac a pas l'air de grand-chose, il est très très rouge comme d'habitude, mais le principe est très bien illustré. Le concept est merveilleux, j'aime ça. C'est le concept casino et on nous dit « Attention, some chips very hot! » Certaines chips sont vraiment épicées. Et le principe derrière ça, c'est expliqué derrière. J'ai encore des petits rots de Mountain Dew. C'est que la plupart des chips sont des Doritos à saveur plate de fromage nacho normal. Mais à un moment donné, t'en pognes une super épicée puis tu pleures des yeux puis tu saignes des oreilles, ça? Ça dit une fois par bouchée, une fois par poignée, tu vas avoir, en général, une chip vraiment, vraiment outrageusement épicée. OK, fait que ça serait peut-être une chip outrageusement épicée sur 10, mettons. On sait pas. On va voir, justement. Oh mon Dieu, vais vite! Parce qu'on peut pas le voir avec la couleur. Et je sais pas si t'as déjà goûté à des Doritos extrêmement épicés. Tu sais, les sacs avec des degrés de chaleur dessus. Ben non, je suis pas capable de manger ça. Il y a quelques années, c'était mais ça. Mais j'ai vraiment le goût de jouer à roulette russe. Mais moi, je veux qu'on en parle encore plus, non? Ah! Parce qu'il y a rien d'autre à dire, vraiment, mais je veux au moins mentionner les ingrédients, les valeurs nutritives, un petit peu. Ben oui, parce que c'est plein de valeurs. Donc, pour 21 croustilles, okay. 260 calories. 260 calories, 13 grammes de gras lipides, à 10% de gras saturé, 2 grammes. Ah, c'est très mal bouffe, hein? 370 mg de sodium, 31 grammes de glucides, 0% de vitamine A et C. C'est à peu près ça. Contient des ingrédients du lait, comme toujours. Il n'y a vraiment rien d'autre à dire que ça. Je pense que ça va être le moment d'ouvrir ça. Ah. Je te lance ça dans le micro magique. Oh oui. C'est les nouvelles Doritos roulettes. Attention, je baisse la trame. Pourquoi ils n'ont pas dit russe? C'est-tu parce que c'est... Ben, ce serait raciste. OK. Quel orgasme! Ah, que ça... rappelons à notre magnifique auditoire que j'ai pas déjeuné ou dîné en fonction d'avoir 6 collations en après-midi. C'est pas pour toi, là. Ça sent les Doritos, 100% Doritos. OK. Ben... Donc, ça sent rien d'autre. Donc là, c'est encore plus comme stressant. On sait vraiment pas ce que ça va donner. Est-ce que tu penses que dans chacune des chips avec vraiment la saveur épicée, est-ce qu'ils sont arrangés pour que l'odeur ne soit pas caractéristiquement épicée pour pas que tu puisses les différencier? Ben, j'imagine que les couleurs doivent être exactement pareilles pour pas que tu saches à l'avance qu'est-ce que tu vas avoir. Moi, je veux pas savoir. Là. Je vais en prendre quand même assez, tu sais, pour être sûr d'en pogner une épicée à un moment donné. Justement, mais là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais en manger sans cesse jusqu'à temps que je tombe sur une épicée? Ben, j'espère. Vas-y, okay. Mange sans cesse. OK, donc on commence avec une première. Là, je vais goûter moi aussi. Normal. Normal. Normal. Là. Normal. Normal. J'espère que ça sera pas trop long. Moi, je mange les pliés en premier. OK. Toi? Je prends la première sur le bord. OK. Normal encore. C'est long, là. Non, je t'ai énervé, là. Moi aussi. Voyons, normal encore. Mais là... Ça fait de la mauvaise radio, non, c'est ça. Surtout qu'on parle en même temps. Faut pas être pressé, non. Hein, pour... Hey, c'est-tu plat, ça, comme émission? Ben, c'est sérieux. On l'avait dit de commencer pendant 3 heures. Ben là. C'est-tu sais quoi qui serait dommage? C'est une erreur dans le sac. Non, mais de tomber dessus pis pas s'en rendre compte. Tu sais, ça serait décevant, mm-hmm. Là. Ah, je vais remonter le fond. T'as de quoi ici, là? Merci. Ben, on pourrait quasiment enchaîner. On va manger en poursuivant l'émission. Quand on tombe dessus, on le dit. Ça en fait 20, je mange. Déjà? Ouais. T'es bien cochon. À moins que ce soit épicé pour le commun des mortels qui aime pas vraiment les choses épicées puis qu'il va s'en rendre compte. Non, non, t'appelles ça roulette. T'as pas le choix de pleurer des yeux là, quand tu manges la épicée. OK. Moi, étant donné que je suis extrêmement moumoune de l'épice, je vais être capable de te dire ces choses dessus, c'est sûr et certain. Peut-être qu'ils sont tout au fond du sac. Peut-être que tu es supposé les brasser un peu. Là, ça prend un mode d'emploi, c'est temps, manger des chips. Je trouve ça vraiment plate, là. Je suis déçu au bout. Ah, c'est trop long avant de tomber sur une épicée. Ben, gars, je sais pas quoi faire, là. Ouais, ben, ça se donne pas une grosse note, hein? Il y en a pas assez. À moins qu'on soit vraiment comme trop acclimaté aux nachos normales, puis ça paraît pas. Parce qu'on en mange plusieurs en même temps. Mais non, c'est ridicule. Qui mange pas ça à cette vitesse-là en regardant la télé? Bon, bon. Hein, ben, première malbouffe décevant. OK. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit la meilleure heure, la première heure. Colin. Peut-être qu'on commence en force. Mais bon, on va se finir ça pendant la prochaine chanson. Puis si on tombe sur une épicée, on vous en reparlera. Pour l'instant... Oh, non, on coupe la chanson puis on revient. Bulletin spécial. allons entendre une pièce de Bad Bad Not Good en 14e position. Le fun, c'est Can't Leave the Night. Sur C'est fou ou c'est assemblage requis? Bon, une autre, hein? Encore une autre. Je pense qu'on est peut-être une, ça, mais je la trouve pas épicée pour tout. Parce qu'elle goûte pas pareil comme les autres. Hein? Non, tu cherches le trouble. Ouais. Thank you. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Bonjour, c'est toujours Ensemble à Jouer, l'émission estivale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Oui, c'est Mathieu Plante. Avant la pause, on était en pleine malbouffe de la semaine, première partie de 3. Ouais. Et on avait de la difficulté à trouver dans le sac de Doritos roulette les chips vraiment épicés. Ça nous a pris chacun une deuxième portion, l'équivalent d'un deuxième bol de chips. Non, mais moi, un bol de chips, c'est à peu près la moitié du sac ou le trois quarts. Sois honnête avec les auditeurs. Donc, ça a pris la moitié du sac avant qu'on tombe chacun sur une de ces chips soi-disant épicées. Oui, mais c'est ça même. On en mangeait. Ah, mais ça ne goûte pas pareil. On est comme un peu craintif finalement. Moi, qui est très sensible aux épices, j'ai finalement croqué dans une chip et la langue m'a picoté. Mais je me serais attendu à beaucoup plus. Ben moi, honnêtement, il y a 2 ans environ, il y avait sorti vraiment des Doritos ultra épicés avec genre hot dessus. Et celle-là, j'avais de la misère à les manger. Moi, je mange très épicé de nature et ça m'en prend beaucoup. Quand les gens disent que c'est épicé, moi, je trouve ça fade. Celle-là, il y a 2 ans, je les adorais. Je trouve que ça aurait dû être celle-là dans le sac. Mais ça devrait être terrible, pas endurable. Ouais. T'en as quelques-unes dans le sac. Et d'en mettre plus. Donne-toi, là. Oui, oui. Il devrait y avoir peut-être pas la moitié, mais au moins, mettons, le quart du sac devrait être des chips vraiment épicés. Ben, comme une roulette russe, moi, j'avoue. Au casino. Mais non, moi, je dirais 1/10. Je trouve que ça serait parfait. OK, ouais. Mais c'est parce que donne-toi. Faut vraiment qu'elle soit épicée. T'appelles ça roulette. Mets le paquet, là. Assume, là. Donc, encore une fois, le verdict est pas tellement positif de notre côté pour les Doritos roulettes, mais bon, reste bon. Mais tant qu'à acheter un sac de Doritos normal, achète celle-là, oui. Tu vas avoir une surprise de temps en temps. Un petit kick. Mais beaucoup moins que ce que j'aurais cru. Exactement. Voilà, donc on est toujours à Assemblage Requis. Aujourd'hui, on jouera pas ma belle musique, hein, parce que pourquoi jouer de la musique quand on peut profiter de Mme Stéphanie Paradis qui nous rend visite pour la première fois de l'été. Puis donc manger un petit peu. Voici le moment d'acheter des choses ensemble. C'est ça existe, mais ça ne devrait pas, là. Yay! Hey, c'est un brumet, je n'entends? Oh, peut-être. Avec le petit gobelet, je me sens comme genre chez le dentiste, ça. Alors qu'il rache pas ça à terre. Le petit gobelet de Mountain Dew de ton truc. Bon, donc c'est ça existe, mais ça devrait répondre là. Ça, c'est la chronique où on achète des choses sur Internet sans trop se renseigner sur pourquoi on l'achète. On fait juste ce buy it now. Quand tu bois un peu comme nous en ce moment, évidemment, on boit de façon complètement sécuritaire avec un petit verre pour enfants, avec un petit. Un gobelet à bec pour pas faire de dégâts. Mais si vous êtes du genre à faire des dégâts sur votre clavier, il vous faut ces sous-verres en forme de clavier. C'est en 4 parties différentes et chacune des 4 parties s'imbrique ensemble pour faire un grand clavier, mais c'est pas un clavier qu'on peut utiliser. Ah, donc tu peux faire un dégât sur celle-là. C'est exact. Si tu fais un dégât, ça doit être quand même difficile à laver, là. Il y a des vraies touches. Ben, c'est des touches seulement en emboss, genre, sont comme un petit peu en mais quand relevé. Même, imagine si tu renverses quelque chose de collant, là, ça doit être difficile à laver. Faut que tu mettes au lave-vaisselle, j'imagine. J'espère qu'il va au lave-vaisselle. Ah, probablement. Ah oui, donc c'est ça. C'est des sous-verres à assembler qui ressemblent à un clavier. C'est fait de silicone, oui, lavable. Disponible en noir et blanc. En noir ou en blanc. Ça vient même avec un clavier pavé numérique, comme on a à droite des claviers pour ordinateur d'habitude. Si tu vis à Taïwan, tu peux aller t'en chercher un pour 299 yuan chinois. Ça, c'est 48 $ américains sur books.com.tw. C'est donc bien cher pour un sous-verre. Très, très cher, en effet. Sinon, ben c'est ça. Il précise sur les photos en bas qu'on peut le si on veut le tordre, on peut le maganer, on peut le passer à l'eau, on peut faire plein d'affaires, mais pas l'utiliser à l'ordinateur. C'est ce que ça dit. Il y a un X à côté de taper à l'ordinateur. Je pense qu'ils nous l'ont dit. Ben, c'est précisé. C'est bon. Tu sais, des fois, t'achètes ça à 50$, tu te dis, je vais pouvoir taper dessus en plus. Mais non. Parce qu'un clavier d'ordinateur, un bon clavier, ça coûte quoi? Le même prix? Ouais, même moins cher que ça, pas mal. Si tu le prends avec fil, mettons. Ouais. Non, il aurait dû, tant qu'à faire, mettre le paquet à la Doritos et faire un vrai clavier à hydrofuge, tu sais, avec un revêtement par-dessus qui peut. Moi, ça se fait sûr. Ben oui, c'est sûr. Oh, les gros boutons rouges. Tu te rappelles, il y a quelques années, chez Bureau en gros, il y avait un bouton rien de plus simple. Et moi, j'étais parmi les imbéciles qui l'ont acheté à genre 6 ou 7$. C'est un bouton que quand tu pèses dessus, ça dit rien de plus simple. C'est juste c'est tout. Ça. Il y a des batteries dedans, tout. Ouais, ouais. Attends, regarde. Ouais, OK. T'as vraiment acheté le gros bouton rouge? Ça sert à rien. Oui. Il est encore chez nous, puis il marche encore. C'est super cool. Je te jure, mais c'est cool. Je trouvais ça hot, là. C'est vraiment oh, cool. Oh, mon Dieu! Mais je suis geek. Donc, les gros boutons rouges, c'est cool. Bureau, en gros, a sûrement fait un chiffre d'affaires de 7$ avec les taxes sur moi, c'est tout. Mais il y en a des plus impressionnants, dont le BT.TN. Donc, le button, mais sans les voyelles. On oh, mon Dieu, c'est bon. Donc, le bouton rouge qui vous donne plusieurs fonctions Internet dépendant de ce que vous avez programmé dedans. Donc, vous pouvez le connecter à Internet via votre téléphone cellulaire ou via une connexion Wi-Fi. Vous le configurez avec votre furteur web. Ça fonctionne avec des services en ligne comme Twitter, Facebook, les courriels, ift.com. Ça, c'est des trucs genre si tu reçois un message de telle personne, ça va faire telle affaire. C'est comme un if this, then that. C'est un service en ligne belle fun. Ça vous permet de créer des règles pour faire différentes choses dépendant de ce que vous voulez. Par exemple, tu veux recevoir un message texte quand il va pleuvoir. Okay? Donc, tu vas mettre ça dans ton bouton. Et quand tu vas appuyer sur le bouton, tu vas savoir s'il va pleuvoir en t'envoyant un message texte. C'est un petit peu stupide comme exemple. Un meilleur exemple pourrait être, mettons, tu mets le bouton à ton entrée chez toi. Les gens appuient sur le bouton. Ils vont pouvoir te dire qu'ils sont rendus chez toi. Si tu n'as pas de sonnette, mettons, ça peut être pratique. T'sais. Ah oui, par exemple, le livreur de pizza. Mettons. Quand tu n'as pas de petit buzzer, mais que la porte est barrée dans ton bloc. Exemple parmi tant d'autres, basé ouais, sur ouais, un fait ouais. vécu. Ouais. Donc, les possibilités sont infinies. Button, BT.TN et complément sans fil fonctionne jusqu'à 12 mois sur 4 piles 2A. On peut aussi utiliser un port USB pour ne pas du tout avoir besoin de batterie. On peut en précommander un pour seulement 94$ US. Ah ben oui, hein? C'est mieux que 7$ pour le rien de plus simple. Mais au moins, lui, il fait quelque chose. Justement, leur bouton rien de plus simple faisait rien. Il n'y a pas plus simple. C'est ça qu'il aurait dû dire. Il aurait dû marquer ça sur... Ils ont dû tellement rire quand tu l'as acheté. C'était le seul qu'ils ont vendu. Bon, pas besoin. C'est peut-être le seul sur le marché. C'est une pièce unique. C'est un exemple. C'est comme le repas à cafétéria là, qui n'est pas supposé être mangé. Là, oui, moi, je serais là ou, puis je le demanderais. Je peux-tu prendre votre assiette? Tu sais, genre dans un magasin en vitrine, t'as un t-shirt comme rouge écrit Aubaine. Obèse. Non, mais tu sais, genre un solde ouais. sur le t-shirt. Je comme, peux-tu l'acheter? Ah, ce serait parfait comme t-shirt. J'aimerais ça. Un t-shirt qui a l'air d'avoir une fausse étiquette de prix quelque part partout. Pour les fans de Lego, une boîte à lunch. Et sur le marché maintenant, qui ressemble à un gros bloc Lego rouge. C'est rectangulaire, c'est un bloc 2x4 pour ceux qui sont fans de Lego ou ceux qui sont juste capables de réfléchir à ce que ça veut dire. Donc, c'est des produits officiels de Lego. On est fabriqué de polypropylène sans BPA. La boîte mesure 3,9 par 7,8 pouces, 3 pouces de profondeur, à l'intérieur de 2,25 pouces de profondeur, ce qui fait que c'est parfait pour une boîte à lunch ou encore mettre vos briques Lego, bien sûr. Vous pouvez le mettre au lave-vaisselle. Le seul désavantage, c'est que la boîte ne passe pas au micro-ondes. Mais bon, bien. Et aussi, ça a l'air comme... Ouais, mais qui met sa boîte à lunch au micro-ondes de toute façon? Au complet, ben non. Ben non. C'est disponible en rouge ou en bleu, donc malheureusement, pas plus de choix de couleur que ça. C'est chez ThinGeek pour 15$ US. C'est cool, ouais. Ça! C'est pas cher, c'est beau, c'est geek! C'est geek. Si t'avais différentes couleurs de plus que ça, t'aurais pu vraiment avoir une boîte rouge pour tes Lego rouges, une boîte verte pour tes Lego verts, t'sais. Ça aurait été pas pire comme tactique. Ouais, mais moi, une boîte verte pour les sandwichs passés date. Pour ta salade! Avec vinaigrette. Ah oui, c'est vrai. Ceux qui sont fatigués au bureau, on s'entend que travailler l'été, quand il fait super soleil dehors, ça peut être un petit peu ennuyant. C'est la pillow tie. C'est une cravate, tout ce qu'il y a de plus à la mode et professionnel, qui se gonfle et devient un oreiller lorsqu'on a besoin d'une power nap au bureau. Ouais. Je te jure, quand le patron ne regarde pas, t'as qu'à souffler dans la petite valve, l'embouchement sur le côté. L'embouchure. L'embouchure, ça j'ai dit. Et donc, ça va gonfler, se faire en microfibre et en soie douce. Donc, tu mets ta tête dessus dans ton bureau, ton cubicule. Et bonne sieste. Il n'y a pas d'alarme incluse. Moi, j'aurais mis une alarme. Là. Ah! Ouais, une petite vibration là, pour te dire, c'est parce que... Ou, non, une petite vibration quand ton patron approche. Tu peux mettre une puce GPS sur ton patron. Oui. Puis ça le détecte. Ah, ou sinon, un bouton button, BT.TN. Moi. Tu appuies dessus pour rentrer dans ton cubicule. Puis là, ça te réveille. Tu fais un if this, then that. Fais brûler ma cravate. Ben oui. Ma pizza. Ma pizza. On reste dans le domaine des cravates, Steph. Sois prêt pour tout au bureau. Oh! Sois prêt pour absolument tout avec une cravate tactique laser. Ah, ça, j'aime ça. C'est mâle. C'est tellement mâle. C'est bien qu'une pochette qu'on peut remplir de petites choses essentielles, multi-outils, de couteau, etc., des manques, n'importe quoi. Et une deuxième pochette qu'on peut enlever qui, elle, a un pointeur laser de classe 2 qu'on peut utiliser lorsqu'on présente quelque chose, mettons un PowerPoint. Ça veut dire quoi, ça, de classe 2? J'en ai aucune idée, mais sûrement plus puissant que classe 1, j'imagine. Probablement. Sûrement moins, je dirais que classe 3. C. Ah ouais, 3. 4. Un, deux, cinq, ouais. Il y a aussi un mousqueton, on peut attacher les affaires. Oui, si jamais tu veux aller escalader une montagne là, durant tes heures de travail. C'est exact. C'est exact. Ou si tu veux, c'est cool. Oui, c'est vraiment cool. Si tu veux peut-être battre un record du plus grand tir d'un camion avec une cravate, tu sais. Ce genre, tu l'attaches après toi à ta cravate. C'est sûr qu'il l'attache après une barbe, mettons. Ça. C'est pas pareil, là. Ouais, non, j'aime ça, c'est mâle. C'est mâle, surtout que c'est mâle. Hein? Non, mais il dit, c'est badass. Badass, en effet. Ça, c'est pas badass, c'est sexy, kinky, même certains diraient. C'est une paire, est-ce qu'on dit une paire de sous-vêtements? Ouais, même s'il y en a juste un, mais il y a deux jambes, hein, la plupart du temps. Fait que donc, une paire de sous-vêtements féminins? Ouais, je sais pas. Une petite culotte féminine. Voilà, mais version 8 bits. Pas ce genre de 8 bits là. Oh, c'était... ben là, Colin! J'ai même pas vu venir en plus. Donc, c'est fait pour avoir l'air de jeux vidéo 8 bits. Donc, c'est vraiment pixelisé avec des escaliers de pixels. C'est beau. Sans anti-aliasing. C'est très beau, le 8 bits. J'aime ça aussi. Et votre père, peut-être à vous, ben, si vous l'achetez, hein, pour 25$. Il y a une petite vidéo de démonstration dessus. Est-ce que tu aimes faire des tacos? Non. Non. J'imagine que la raison, c'est parce que ça tombe tout le temps à plat. T'as pas de façon de le faire tenir debout. Ben. Tu sais? Non, mais dans l'annonce, ils l'ont montré, ils ont fait un dessous plat. Ouais, mais c'est... ça, c'est pas. Il faut que tu mettes plus de garniture dans ces tacos-là. En fait, je vais être bien honnête, j'ai jamais mangé de tacos. C'est bon, les tacos. Si tu mets les bons ingrédients dedans. Mais justement, si t'es tenu d'avoir des tacos trop larges qui tiennent debout, mais qu'il faut que tu mettes comme une demi-tonne de garniture, et tu veux faire juste des tacos normales, c'est une assiette, la Fiesta Taco Plate, qui permet d'utiliser des coquilles de tacos et de les assembler sans avoir à faire de dégâts. Donc, l'assiette a des fentes assez profondes pour pouvoir insérer ton taco, mettre tes affaires dedans. Il y a des compartiments pour mettre, disons, du riz ou des trucs comme ça. La guacamole. C'est 13 par 8,75 pouces. C'est fait pour aller au lave-vaisselle et au micro-ondes. Un ensemble de 4 Fiesta Taco Plates dans les couleurs suivantes. Rouge, orange, vert et bleu. Mais il y en a plus que les boîtes à lunch Lego. Ben, tu sais, et c'est pour des tacos, on s'entend-tu que c'est quelque chose de précis que tu ne manges pas tous les jours? 20$ chez Miles Kimball. Mais non, c'est ça que j'allais dire, faut vraiment que tu tripes tacos dans la vie vraiment. Pour te dire, je m'achète des assiettes à tacos. Mm-hmm. Parce que des tacos, tu manges pas ça n'importe tacos, n'importe quand. Donc, ton téléphone manque de courant, Steph. Ça arrive, ça, des fois, et là, tu t'empêches de parler à des gens. Tu leur chattes pas parce que ça va prendre toute ta batterie. Tu leur envoies pas de photos parce que t'es pas capable, parce que t'as le téléphone de mal. Mais non, moi, je pensais plus à mon iPod. Je fais plus de choses avec mon iPod. Ben, ça va te servir pour ton iPod aussi. C'est un câble bracelet. Donc, t'es en train d'écrire un courriel. Tu manques de courant. Si tu manques de courant, OK, t'es désespéré, tu prends ton bracelet, ouais. OK, et quelqu'un va pouvoir te donner de la charge, un peu comme booster un char. Ah! Mais là, prends son énergie. Prendre de son énergie, pas toute son énergie. Mais tu en prends un petit peu pour peut-être juste finir d'envoyer ton courriel. Ouais. Tu sais, t'as oublié ton chargeur à la maison, lui aussi, mets-toi ton bracelet sur toi, go! T'sais. Il aurait pu aussi juste faire un bracelet avec le chargeur intégré. Mais ça, c'est une autre histoire. En fait, c'est le Donor Cable et c'est une bonne idée. Ça a été distribué par un réseau cellulaire qui s'appelle NAR Mobile pour ceux qui ont acheté un téléphone Android qui sortait du magasin. Donc, on leur donnait ça. Et ça commence comme un bracelet qui devient un câble pour se connecter à un autre téléphone cellulaire. Mais aussi, c'est qu'à l'intérieur du bracelet, ça disait « Donner de l'énergie pour sauver un téléphone et donner du sang pour sauver une vie. » Donc, c'était le message qu'on essaie de passer derrière ça pour encourager les gens à aller donner du sang. Toi, est-ce que tu me donnerais de l'énergie si j'en manquais? Ben oui, tout le temps. Non, mais je sais pas. Mettons, tu veux regarder la météo puis t'as plus de batterie. Au lieu de te demander de ton énergie, je te demanderais, tu vas faire combien demain pour te regarder pour c'est moi? Ça. Exact. Je trouve que c'est moins compliqué. Aussi. Pour un courriel, tu pourrais juste dire, hey, peux-tu envoyer un message sur Facebook à telle personne pour lui dire que je peux pas être là cet après-midi puis je vais te demander. Moi, c'est ça, parce que j'ai pas Internet chez nous. C'est ça, mettons, mise en situation, mise en contexte. C'est tout à fait au hasard. Basé sur un fait vécu. Ensuite, on a beaucoup d'histoires vécues qu'on essaie de faire comme si c'était pas le cas. Rigodon. si tu fais du camping, Steph. Oh mon Dieu! Eh, Boba, t'as vu la photo, c'est vraiment affreux. Donc, c'est un kimono et c'est aussi un sac de couchage. Hein? Parce que c'est toujours mieux d'amener le moins de bagages possible quand tu vas faire du camping, c'est plus facile, tu sais. Genre, t'as moins de stress, de soucis, d'affaires pour t'encombrer. Mais si t'as le choix entre choisir d'amener un manteau ou un sleeping bag, hein, ben combine donc les deux pour te sauver de la place un peu, le kimono-sleeping bag. C'est un kimono qu'on porte pour rester au chaud. Ben, okay. C'est plus un poncho, là. J'avoue que c'est plus un poncho qu'un kimono. Kimono, ça fait genre arts martiaux, puis ça ressemble pas à ça partout. Non, en fait, un kimono, c'est pas... Toi, de chambre, toi, tu parles là, des vêtements pour faire les arts martiaux, ouais. Genre, c'est pas du karaté, c'est un karaté-gi. OK. Ça, c'est l'alimentateur de sucre salé, ça aussi, je pense. Hein. Karategui, ouais. Sinon, au judo, t'es un judogi. Ok, okay. Mais... son frère. Mais kimono, c'est pas le vêtement pour les arts martiaux. Kimono? Kimono. Il aurait pu être conséquent et dire un kimono. Ça, c'est Guy partout. OK. Mais merci pour la petite leçon ici. Donc, le kimono sleeping bag, qui est un, entre guillemets, si on veut un kimono, et aussi un sac de couchage pour pouvoir dormir quand la nuit arrive. Tout ça pèse 1,25 kg et le kimono sleeping bag est disponible et fait à partir de polyester, oui, et disponible en bleu. C'est tout. C'est 49$ US. Dire que je pensais que le snuggie, c'était une invention de pouette. Suzy. Ça ressemble énormément, sauf sans les bras qui sortent. Justement, c'est l'opportunité ratée. Il aurait dû appeler ça, à la place d'être un kimono sleeping bag, un snuggie mono. Un snuggie! Il y a encore mono! Un oui, snuggie! Mono! Ou stéréo, si t'as les deux barres. C'est ça, si t'as les... Ouais, si t'as branché dans ton système de son. ensuite, tu veux faire du barbecue, mais en même temps, tu veux te sentir comme un genre de vilain dans James Bond, si on veut. Tu vas avoir l'air d'un homme d'affaires. Sinon, tu veux transporter une valise, tu vas avoir l'air de quelqu'un qui... J'aimerais ça avoir l'air d'un homme d'affaires. Mais viril, pas viril, business suit man person. Donc, il te faut Portable Briefcase Barbecue Grill. C'est un petit grill au charbon qui est dans une valise d'acier inoxydable. Je sais pas s'il est brossé, je l'aurais pas demandé. Ça ressemble... on le voit, qu'il est brossé. C'est-tu si... Ouais, c'est... ouais, je pense que c'est brossé. Ben oui. Ben oui, il est brossé. OK, parfait. Et donc, c'est ça, c'est caché à l'intérieur. Tu ouvres la valise, tu verses... Ben, en fait, tu sépares, il y a des petites pâtes, le genre, sur les côtés. Tu verses ton charbon dans l'espace privé à cet effet-là. Tu fais cuire ta nourriture, tu laisses le grill refroidir et tu refermes la valise, tu t'en vas. Ça mesure 7.5 × 11.75 × 11.75 pouces. C'est cool, mais tu dis c'est viril. Moi, je trouve que faire cuire des petites brochettes de légumes, c'est pas nécessairement viril. C'est pas mal ça, hein? Ça de même. Ça reste très, très viril de têter sa crème glacée sur une poitrine. C'est la compagnie Kubota Foods qui vend Booby Ice Cream. Donc, il n'y a pas de lait. C'est pas du lait maternel. Que dans les gens, quand tu dis, bon, ça va être un sein qui va te donner de la crème glacée, tu vas dire, ah, c'est fait avec du lait maternel. Non, c'est pas le cas. C'est de la vraie crème glacée. Donc, mais c'est en forme de tétine et de sein et de tout ça. C'est de mauvais goût. Très mauvais. Ben, je sais pas, j'ai pas goûté. Mais non, c'est fait en caoutchouc. Et puis, ça dit que, ici, c'est une traduction en anglais à partir du japonais, je crois. C'est la glace du caoutchouc contenant rempli de nostalgie. Lacto. Sorte de lumière est entrée vers l'intérieur, vous pouvez savourer le goût rustique de l'ancienne mode. C'est la définition. C'est fun, c'est une fille qui fait la démonstration de... Mais j'avoue que si c'était un gars qui faisait la démonstration du sein, on dirait que ce serait comme moins attirant pour le gars, dépendant de vos goûts. Là. Fait que je peux comprendre qu'il y ait une fille qui tête elle-même le sein. Ben, je sais pas. Pour attirer le regard masculin. Hey, c'est la marque, c'est Kubota. Kubota, ouais. Kubota, c'est pas une marque de, tu sais, des moteurs, genre une tondeuse, puis... Je sais pas. Il me semble que oui. Tout ce que je sais, c'est que Q, c'est un Q. Bot, c'est un Q aussi. Puis Ta, c'est ce que tu fais. Fait que, un tas de fesses. Kubota, c'est comme... Ou Kubota, bot à des Q. Oui, c'est quoi le prochain? Le prochain, c'est pour... En fait, on reste au Japon. Tu sais que les Japonais aiment pas ça s'entendre faire leurs besoins. Juste les Japonais? Ben, surtout les Japonais. Ben, c'est typiquement japonais d'avoir des machines à son dans les toilettes pour masquer le son, pour vrai. Nous, ici, on est gênés des fois, mais jamais pas à outrance. Oui, c'est ça. Pas tant. Party, comme on dit. Donc, pour faire vos affaires en vie avec votre vie privée intacte, il vous faut les Echo Otomi Toilet Sound Blockers. Évidemment, du Japon. C'est un petit appareil qui va créer le son de comme si tu flushais une toilette quand tu appuies sur le bouton. Ça va masquer les sons. Ben oui, c'est bien moins gênant. Flush ta toilette, au pire. Il y en a qui font ça. Ils font flusher la toilette pendant qu'ils font leurs besoins au Japon. Pour vrai, là. For reals. Donc, le son se fait pendant 25 secondes par fois que tu appuies. Ce qui devrait te donner assez de temps pour faire au moins chacun de tes shots. C'est ça. Et tu peux appuyer sur le bouton plusieurs fois, évidemment. Parfait pour les toilettes publiques et peut-être même les toilettes au bureau. Ah ben, Colin! Ouais, on aura tout vu. Tiens, tu sais que tout est rendu intelligent dans la vie. Tu peux pas avoir quelque chose qui est pas intelligent, comme, mettons, t'sais, ton frigidaire est intelligent, ta montre est intelligente, ton téléphone est intelligent. Mon chat, non. Non? Pas encore? Un jour, peut-être? Mais là, tu vas pouvoir acheter un ventilateur de plafond, mais intelligent. Ah. Je te le dis. Donc, c'est le Haiku Sense Me Smart Fan. Il est très beau. Très joli, très noir. C'est vraiment beau comme design. Très courbé, j'aime ça. Et il y a un ordinateur. Une hélice d'avion. Oui. Mais au plafond. Oui. Donc, il y a un ordinateur à l'intérieur de cette machine-là et plusieurs sensors. Le Haiku, Donc, c'est quand il fait plus chaud, il va ajuster la vitesse en conséquence. Il va savoir quand il fait plus sombre, il va ajuster la lumière en conséquence. Ah. Parce que les lumières aussi sont rendues intelligentes avec les ampoules puis les affaires, puis la température avec le NES puis ces affaires-là. Bref, il y a aussi des ajustements manuels possibles via une application qui est sur le téléphone intelligent, bien sûr. Vous allez pouvoir... ça va apprendre, en fait, vos préférences de confort avec le temps et ça va arranger l'horaire pour être autour de votre mode de vie. Ah, j'aime ça! 1000$ et plus, évidemment. Ça dit... Les switches là, sur le mur, c'est tellement les 20e siècle. Dans le passé. Dans le passé. Quelque chose qui reste dans le présent, c'est de boire de l'eau. Tu sais que c'est important, boire oui. de l'eau? Je l'ai pas fait encore aujourd'hui, mais j'ai bu du Mountain Dew. Ça fait, c'est de l'eau, ça m'ajoute. Ben, c'est le premier ingrédient. Le deuxième, c'est le sucre. Fait que ça dépend de tes besoins. J'ai fait ma job. Donc, il y a une nouvelle sorte de bouchon, en fait, pour nous permettre de rester hydratés sans avoir à trop y réfléchir. C'est une compagnie d'eau en bouteille française, Vittel, qui nous amène une façon unique et efficace de se rappeler de prendre de l'eau. Donc, la compagnie nous amène une bouteille d'eau avec un timer intégré, donc un chronomètre, un minuteur, voilà, qui vous rappelle à chaque heure, une fois par heure, de prendre de l'eau. Donc, quand, l'heure, ouais, quand l'heure se termine, ben, en fait, ou commence, peu importe, il y a un drapeau rouge qui va popper sur le capuchon de la bouteille et va vous indiquer de boire de l'eau pour rester en santé. J'adore. Et après avoir bu quelques gorgées, donc on va replacer le bouchon sur la bouteille et ça va resetter le mécanisme pour une autre heure. Donc c'est vraiment quand tu remets le bouchon que ça redémarre l'heure. C'est un test présentement en France. Je trouve ça parfait. Tu peux pas demander mieux. Ben, il peut peut-être avoir une autre façon de le dire qu'avec un petit drapeau. Non, c'est cute. C'est cute, mais... Ça fait gamique un peu, hein. Mais non, mais je trouve ça le fun parce que je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir de la difficulté à boire régulièrement de l'eau. C'est des ouais. choses qu'on oublie facilement. Parce que c'est comme respirer, ouais. j'arrête tout le temps. Ouais, ouais, ouais, tout le temps bleu. Puis... fait que non, je trouve c'est une très bonne idée. Et en plus, ce qui est le fun du petit drapeau, c'est que ça montre aux autres gens dans ton environnement de travail qu'eux autres non plus n'ont pas bu. Alors que si c'était juste quelque chose de très, très subtil, ouais. les autres pourraient pas s'inspirer de tes bonnes, tes les bonnes manières. Les autres pourraient te dire « allô » parce que t'es déshydraté. Puis ça serait un jeu de mots en plus. « Allô » Water! Parlant de boire, tu veux pas boire ta bière dans un verre chaud là, ou tiède, n'est-ce pas? Ben non. Un verre tablette. Donc, il te faut un verre froid et tu peux avoir un verre froid en moins de 10 secondes avec le Beer Glass Froster. Dans le bon vieux temps, si on voulait un verre froid, il fallait le mettre au congélateur. C'était long un peu. Hein, Jadis. Là, tu voulais un refill, tu mets ça au congélateur, donc ça prend du temps pour rien. Donc, maintenant, ce que tu as à faire, c'est placer ta bière. Ta glace et tout ça devant ou en dessous de ce froster qui fonctionne au CO2 et ça va laisser sortir un nuage de CO2 pour couvrir votre verre et le mettre froid instantanément. Ah. Donc c'est fait en acier inoxydable et ça s'accroche à votre table, votre dessus de comptoir. Il y a une lumière LED bleue pour faire un petit peu d'effet cool et cute. Ça demande évidemment une bonbonne de CO2 ou un cylindre ou peu importe et des batteries 3A pour l'allumer avec les lumières. Je trouve ça cool. Vraiment? Si j'étais riche, ça serait le genre de truc que j'aurais chez nous. Et t'aurais un bar pour commencer chez vous, là? Oui. Ça serait accroché sur le bar. Sur le bar de bar! ça, c'est vraiment trop stupide. Et le gars est tellement fier dans sa petite vidéo, là. C'est vraiment anodin, là. Mais c'est un truc main libre. Pas main libre. Un cornet de téléphone, OK? On a déjà tous vu les cornets de téléphone qui mettent un vieux téléphone À serpent, roulette. Là. Ouais. Serpent, roulette. Serpent, roulette, exact. ici, c'est un peu comme le symbole de main que tu fais pour quand Mimé tu un téléphone. Appelle-moi, c'est ça. Mais c'est une grosse main en genre de foam plastique et dedans, il y a une poignée. Et donc, quand tu prends la poignée de ça, la personne qui te regarde a l'impression que tu as tes mains en symbole de téléphone, mais tu parles dedans. Oh mon Dieu, c'est quétaine. C'est beaucoup trop gros, non? C'est très gros. Mais si en faisant en forme de banane, oui. J'en prendrais un. Je suis sûr qu'ils en font. Celui-là, c'est sur Kickstarter. Ça coûte $33 américains pour avoir un ensemble, donc j'imagine, de deux de ces affaires-là. Le créateur, c'est Stephen Moore. Et il y a une petite vidéo où il y a... Est-ce que tu as regardé un petit peu la vidéo? Non. Parce que dans la vidéo, là, tu vois... La vidéo commence. Il n'y a pas encore eu de montage. Et tu vois le gars qui regarde hors champ, qui se fait faire signe que c'est maintenant de parler, puis il regarde la caméra. Ça tentait pas de couper le bout où tu regardais pas la caméra, puis tu te demandais si c'était... Ça fait peut-être partie de son concept. De son charme, hein? Ouais. Il a pas l'air à son affaire. En tout cas, Stephen Moore, bravo. Un autre que j'ai choisi pour toi, Steph. Non, c'est pas vrai du tout. Je l'ai choisi pour la jante féminine et tout ça que ça peut intéresser sans aucune confusion ici. Pour tous, c'est un truc pour faire imprimer son propre dildo en 3D. Hein? C'est le dildo de... Les petites oreilles de lapin. Fait que tu peux choisir. OK, tu peux choisir comme ta circonférence, ouais. Tes formes, puis tout. Les courbes. Ah, c'est dans bien hop. C'est le Dildo Generator. Tu peux choisir ta couleur? Ouais. Ah, il est mauve. Le Dildo Generator sur dildo-generator.com vous permet de personnaliser et d'imprimer en 3D sur votre propre imprimante 3D votre propre dildo. Donc, c'est sûr que c'est pas une nouvelle idée. Moi, je n'avais jamais entendu parler avant ça. Mais le design, apparemment, de Dildo Generator est super user-friendly. Donc, va voir ça. C'est le fun. C'est cool. Le prochain, je l'ai aussi choisi pour toi. C'est des cure-dents en forme de petits zombies. Je te jure. C'est le Meninos Store, un magasin en ligne qui vend un emballage de 12 petits zombies de plastique pour votre nourriture. Et ici, je les vois en vert et en gris. Et là, vraiment, il y a la moitié de son du cure-dent qui est un pic qui va dans ta boulette de viande, mettons. Et à l'extérieur, t'as un zombie en train de sortir du sol et donc de ta boulette. Ah, c'est donc bien le fun. C'est le fun que tu sais quand tu as des petites bouchées en entrée pour la visite. Puis c'est un zombie. Pour l'Halloween. Ah, c'est génial. Pour refaire tes petites boules de yeux, de je sais pas quoi, des affaires de même. Ouais, c'est cool. L'autre truc cool, c'est un enfant en fait qui a fait le design de ça. C'est un inventeur de 8 ans qui s'appelle Max, qui a eu l'idée de mélanger un panier. J'avais un but de basket ou un but de basketball. Tu sais, mettons. Tu sais, de basket. Un but de basket. Ouais. Bon. Et hey donc, c'est ça. Et il a mélangé ça avec une tasse. Donc, ça a pris un an de développement et le marketing est arrivé. On peut enfin acheter sa création. C'est The Mug with a Hoop. C'est une grosse tasse avec un cerceau, un truc de basketball où on peut lancer ses guimauves. Un panier. On peut lancer des guimauves, par exemple, dans son chocolat chaud. C'est pas fantastique, ça? Des petites mottes de ficello dans sa soupe aux nouilles. Oui. Mon chum fait ça. Des céréales dans son lait. Ah! Mais des heures de plaisir. Au moins des minutes, en tout cas. Au moins des minutes. Le prochain, je l'adore aussi, c'est de la bière à tartiner. Vous pouvez maintenant boire et manger votre bière avec Spritable Beer. C'est un pot qui contient 40% de bière en texture tartinable qui donne une senteur, une odeur de houblon. C'est parfait pour mettre sur des rôtis, bagels, muffins, un paquet d'autres affaires qui sont mangeables. Peut-être pas pour déjeuner, hein? Probablement. Ben, quoique, parce qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Mais j'ai pas le goût d'avoir le goût de bière en me levant, vraiment pas. Moi non plus, mais tu trouves pas que c'est une opportunité ratée? Il aurait dû faire une version sans alcool, une version avec alcool, clairement. Moi, mais ça, j'aurais plus servi ça sur des petits craquelins, là, le soir en appetizer. Appetizer, j'avoue, non, ça a l'air vraiment bon. Avec du fromage, entre autres, sur des craquelins. Donc, 16,80$ chez Firebox. Ah, on a parlé de banane tantôt, tu voulais quelque chose de banane? Hey! Je te l'ai amené. Sais-tu quoi? Je l'ai justement Pinteresté hier. Je suis en retard, là. Je suis en retard de ton Pinterest. c'est des cônes, comme on retrouve dans les magasins lorsque c'est mouillé par terre, pour différentes raisons, sauf en forme de pelure de banane. C'est vraiment, vraiment cool. C'est fait par une compagnie qui s'appelle Banana Products. Donc, tu peux les acheter pour en avoir chez vous si tu mouilles ton plancher pour des raisons quelconques. J'en dirais que je rends ça comme beaucoup trop sexuel. Le petit chien vient de faire pipi, tu mets ça, tu le nettoies pas, mais attention, plancher est trempé. Non, mais ça peut être pratique, si tu viens de laver ton plancher, là, tu veux pas que ton chum marche sur le plancher, tu mets ça, puis tu t'en vas, puis une grosse banane, là. C'est drôle. Ouais, on préfère tellement de gags croches. Mais combien tu paierais pour ce compte banane, toi, Stéphanie Paradis? 20 piastres. Bon, on va voir. Non. 120$! C'est le prix que Banana Products vous fourre avec. c'est un peu gros pour... un petit peu. Fourrer. Il nous en reste 3 derniers. Quand tu pars en vélo à la pluie et t'as pas de fender en arrière pour te defender contre la pluie, tu sais, c'est pas pire. Hein? C'est moi qui l'ai inventé. C'est bon, c'est bon. Donc, quand tu vas te promener dans la boîte, garde-boue, ça va te revoler ses fesses, puis c'est pas le fun, on n'aime pas ça. On a tous déjà vu des fenders qu'on peut enlever, remettre facilement, que tu peux mettre dans ton sac à dos. Mais as-tu déjà vu un fender que tu peux plier et mettre autour de ton porte-clés? Oh, j'aime ça! Clef. Donc, quand il mouille, tu vas pouvoir sortir ton petit porte-clés et sortir ça, c'est super bien fait, en tout cas dans la photo. Le Mossguard Rollable Bike Fender, c'est fait de plastique polypropylène. Ça mesure 41 par 2 pouces et ça a un système de pliage spécial pour la stabilité. Donc, dans un tube pour le frame de votre vélo, c'est parfaitement adapté. Il y a un paquet de détails que je comprends pas trop. Mais quand on a besoin, tu le sors. Quand on a plus besoin, tu le remets dedans. Ça, on comprend. Quand même ça. Présentement, c'est 30$ sur le magasin de MoMA. M-O-M-A. Le lien est sur assemblagerequis.com. Ben, écoute, je trouve le prix raisonnable. Je trouve que ça a l'air pratique. Comme un petit baril autour de ton porte-clés, c'est presque rien. Ouais, c'est génial. J'adore ça. pour ceux qui vont à la plage et qui ont... Tu sais, on a tous déjà vu le système de mettre tes affaires dans tes souliers, mettons ton portefeuille, mais tu sais, tout le monde le sait que ça va être dans le soulier. Hein. On s'entend. Il n'y a pas de façon... Tu sais, il y en a qui vont acheter une petite bouteille d'écran solaire fausse, puis mettre leurs affaires dans l'écran solaire. Ouais. Ça, c'est quand même plus intelligent. Ici, c'est encore plus too much pour les gens qui vont à la plage très, très souvent. C'est le Beach Vault, la Beach Vault. C'est un gros contenant de plastique cylindrique avec un extérieur qui ressemble à une vis. Donc vraiment, tu le vois, c'est comme un espèce de gros baril. Ça ressemble un petit peu à un seau que tu amèneras à la plage. Et vraiment, t'as un tourbillon autour. Et tu comme visses, une vis. Comme une vis. Et tu visses ça dans le sol, dans le sable. Et sur le dessus, t'as évidemment une porte pour ouvrir le tout. Tu mets ton portefeuille, téléphone. Tu peux même mettre, c'est de la grosseur d'une tablette. Donc tu peux mettre un iPad. OK, mais c'est parce qu'il est cool, c'est que t'as la serviette qui vient avec. C'est ça, avec un trou. Quand tu mets par-dessus, tu as la serviette, mais tu as accès au trou sur la serviette en dessous de l'oreiller. C'est vraiment parfait. Trop génial. Hein? J'adore wow. ça. Donc, c'est ça. Tu mets ta serviette dessus. Tu n'as aucun stress à avoir avec ça. Et c'est présentement en train de ramasser de l'argent sur Kickstarter. On demande 35 $ américains pour votre propre Beach Vault. C'est super bien expliqué dans la petite vidéo sur assemblagerequis.com. Tu as même la petite pochette pour mettre ton iPod ou ton cellulaire dans la serviette parce que des fois, au soleil, ça chauffe. C'est juste parfait. Ils ont pensé à tout. T'es sûr de pas te faire voler, t'es couché dessus. Oui, tu peux te faire voler, mais au moins tu vas le savoir. Je pense que ça va paraître si quelqu'un te dévisse quelque chose de rouge du sol. C'est ça, c'est quand en même ça tête. Flash. Ouais. Magnifique. Ils mettent même leur serviette là-dedans, ils mettent tout là-dedans. C'est parfait. Tu t'en sers comme bagage pour aller à la plage aussi en plus. Là. Okay. Ensuite, le dernier, tiens. Ah! Les sacs bananes. Tu voulais encore que je parle de bananes? Ben oui, toujours. Les sacs bananes, c'est apparemment plus à la mode qu'on m'a dit, en tout cas. C'est ce que j'en comprends, même si c'est bien pratique. Pourquoi ne pas combiner l'utilité d'un sac banane et l'apparence de Miss America ou peu importe, le concours de beauté, avec les sachets, c'est l'espèce de truc qu'ils mettent en diagonale. Oui, bon. Oui. Ben, c'est une combinaison des deux. C'est le hands-free carry-all. Donc, ils combinent les deux utilités, le look de l'un et l'utilité de l'autre, pour 45 $ pour cette merde totale. Ah. C'est ce que l'article dit, moi je fais juste paraphraser. D'accord. Voilà, donc pour ça, c'est tout pour ça que ça devrait répondre là. Oh! Yay! C'est le fun! Mais ça, tu veux des pics de zombies? On va tous les acheter après là. On va rien que ça à faire. C'est pas cher, c'est juste 11 $. C'est vrai. Dans quelques instants, ce sera la deuxième partie de la Malbouffe de la semaine. Déjà, ça fait une heure qu'on attend, après ça un petit peu moins finalement. T'as-tu faim encore? J'ai toujours faim. Ouais. Toujours. Ouais, moi aussi. Mais avant ça, celle-là, on l'a déjà écouté celle-là. On va aller entendre quelque chose qu'on n'a pas écouté si ça vous dérange pas, OK? On va entendre notre ami Alexander Desolitz. Ah, ça fait longtemps ça, pour moi. Ouais, ben, il y a bien des choses qui font longtemps pour toi. On va se le dire. On va entendre donc son extrait Fancy Ghetto tout de suite à Assemblage Requis. Après ça, on se gâte encore avec d'autres bonnes bouchées de bonnes choses. Tu m'aimes CFOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Vous êtes à l'Assemblage requis avec moi-même Mathieu Plante. Et moi, Stéphanie Paradis. Ah, bien sûr, on fait l'émission au complet ensemble aujourd'hui. C'est la première fois de l'été qu'on connaît ensemble. Oh, ça fait du bien. Ah, mais ça, il va falloir refaire ça. Oui. Oui. Tu me réinvites-tu? Toujours. En couille. Toujours. Je lâche ma job. OK, parfait. Pour l'instant, on va faire ce qu'on était rendu à. J'aime ça faire les phrases en anglais. Puis, ça ressemblait à du Yoda. Du Yoda. Je sais pas, on n'a pas le yoga ou quelque chose qui commence en yo aujourd'hui? Ben non, c'est même trop santé. Ben trop santé. C'est la malbouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Non, la malbouffe de la semaine. Il y en a qui disent des fois que je suis un peu happy, que je prends pas toujours bien la critique. Ben ceux qui pensent ça, là, ben qui mangent la merde. Ouais. OK. C'est la malbouffe de la semaine. Oui. Et aujourd'hui, Stéphanie, tu le sais, on mange nos émotions. Oui. On a donc jusqu'à maintenant mangé deux choses. On a mangé des chips, on a bu de la liqueur. Ouais. Comme on fait à chaque fois qu'on est de mauvaise humeur ou encore de bonne humeur. Moi, c'est un peu ça, hein. Je mange. Ah, ben non, c'est ça. Je suis fâchée. Je vais. Ça va me réconforter. Ou je suis de bonne humeur. Ils ont fait ça, puis on va manger une crème molle. On se comprend là-dedans. Hein? Ah, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là. Bon. Et là, on est rendu à la deuxième étape, deuxième phase de trois. On va en faire une autre dans la troisième heure. Oui. Et là, on est passé du salé. On a fait un petit peu salé pour Le plat principal. Sucré pour le Mountain Dew avec 76 grammes par bouteille. En effet, mais salé côté chip. Là, on fait un petit peu, moi, ça va être genre mi-sucré salé, un petit peu, tu sais, le combo parfait, le sucré salé. Mais là, est-ce que t'es plus comme dessert? Un petit peu de dessert, oui. OK, on va commencer avec le mien comme ça. Parce que moi, je te présente quelque chose de plus repas. Ben, dans la saveur, le repas. Donc, ça provient, c'est des pretzel crisps. Oh. OK? C'est des craquelins de bretzel mince et croquant. OK? Dans le fond, leur slogan, c'est « Repensez votre bretzel ». Aha! Donc, ça peut être repassé comme dans tes repas. Repassé. Ben, ils l'ont repassé, en fait, parce que c'est des bretzel plats. D'accord. Donc, ils ont vraiment repassé. C'est cuit au four, donc c'est pas si pire que ça, là. Sauf que ça reste un bretzel. Oui. Donc, ce qu'on aime avec ça, c'est qu'ils font, ils le présentent comme un craquelin. Donc, tu peux faire des bouchées avec ça. Donc, tu peux étendre tes bretzels comme n'importe quel biscuit Ritz ou craquelin et mettre du stuff dessus. Donc là, ce qu'ils nous présentent, c'est qu'il y a un petit bocon de chini, un petit morceau de tomate puis un petit basilic là, pour vraiment remplacer le craquelin. Donc, c'est un craquelin bretzel. Donc, jusque-là, c'est très intéressant. Il y a plusieurs saveurs. Il y a la nature, il y a la assaisonnée. Oui, ben oui. Et il y a ail et parmesan, ce que j'ai choisi. Es-tu d'accord avec mon choix? J'adore ton choix. Ail et parmesan. L'autre, celui du milieu, là. Assaisonné. Assaisonné. Est-ce que tu penses que c'est comme les bagels plein goût? Peut-être. Oignon, ail. Je sais pas trop c'était quoi le assaisonné. Moi, j'aime pas les chips assaisonnés, mais je vais y aller avec ail et parmesan. C'est un bon choix. On va sentir mauvais les deux ensemble. Hey, on s'en sac dessus. Donc, écoute, c'est pas si pire. Comme ça, je te dis, j'ai essayé d'aller quand même vers ma personnalité à moi. Moi, je suis sur la ligne entre la bouffe et la malbouffe, là. Mais je suis pas sûre que je l'aurais présenté en bouffe de la semaine. J'avoue. Mais, tu sais, il n'y a pas de gras trans, il n'y a pas de gras saturé, il n'y a pas de cholestérol. Il y a seulement 110 calories par 28 grammes. 28 grammes, c'est 10 craquelins. Donc, c'est quand même très respectable. Mais il y a quand même du gras dedans, mais c'est des bons gras. Mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a rien d'intéressant dedans. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de fibres, il n'y a pas beaucoup de sucre, il n'y a pas beaucoup de protéines. Tu sais, il n'y a pas grand-chose. Le gras qu'ils ont mis dedans, c'est pas du gras très intéressant. C'est comme le Danby gras du gras. Donc, ça dit croquis, craquis, trempés, empilés. Que vous les aimiez nature, trempés ou jumelés à vos garnitures préférées, nous sommes convaincus que vous apprécierez cette collation saine autant que nous. Repensez votre bretzel. Hein? Donc, j'ai hâte de goûter à ça. Insertion très naturelle du slogan. Oui, moi aussi j'ai hâte d'essayer ça. OK. Donc, moi, je suis prête à m'approcher du micro magique. Déjà, ben, le micro magique t'attend depuis une heure environ. Il y avait Hark, lui aussi, à faim, ça. Oh, ouais, c'était violent, ça. Hein? C'était-tu un mouvement assuré? Colin, Steph. Tu te laisses aller. J'ai pas fini, là. OK, en plus. Ah non, il est pré-ouvert. Il est pas... c'est ça, des fois, quand il y a une fermeture éclair, si on veut, sur ton oui, sac. Oui, puis on en a déjà parlé. Oui, je sais, mais c'est important. C'est un fait fort. Hey! Est-ce que Danny s'empêche de parler du pourcentage d'alcool parce qu'il y en a tout le temps, du pourcentage? Ben non, il le fait. C'est important. Non, ça, c'est plus l'équivalent des calories. OK, excuse. OK, bon. L'odeur? L'odeur. Oh, ça sent vraiment l'ail. OK. C'est ce qu'on veut, hein? Est-ce que ça sent le parmesan aussi? Plus subtilement, okay. Mais tu sais, les deux mélangés ensemble, on est tellement habitués de sentir ça. Fait que, ben, je vais en prendre quelques-uns. Oh, je sens que mes mains vont être très, très sales après. Il semble avoir beaucoup de résidus. Ah oui, donc éloignons-nous de tout. Pour ne pas faire de superbes dégâts. Je les trouve poussiéreux. Poussiéreux? Je pense qu'ils sont pas sur la tablette depuis longtemps. C'est vraiment poussiéreux. Non, mais le dedans qui est poussiéreux. Ben, l'épice qu'il y a dessus a l'air très, très fine. Très finement. C'est ça, c'est poudreux. Oh, que ça sent fort, hein? Ça sent, hein? J'aime ça. Écoute, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi mince que ça. C'est, on voit quasiment. Si on le met de côté, on le voit pas, hein? Ben non, très, très c'est très, très mince. Donc, c'est juste comme des bretzels écrapous. Un millimètre ou deux à peine. Donc, j'ai bien hâte de voir. Est-ce que t'es prêt? Oui, on goûte. Craquons. Allons-y, croquons. Ah, ouais. Et craquer, empiler. Moi, ça, c'est ma saveur à moi. J'adore ça. Mais je trouve que ça goûte n'importe quel toast Melba. Mais j'aime les toast Melba. Ouais, mais ça goûte pas tant le bretzel, là. Non. Mais t'as la texture, t'as l'arrière, la fin pâteuse du bretzel lors de l'avaler. Comme on dit. Ouais. On dit pas ça, là. Non. Non. Non, j'aime beaucoup ça, ça me rappelle beaucoup. Moi, je trippais bien raide sur les Ritz. Les minuscules avec un bol qui se pliait. Il y a encore ça quelque part, je pense. Il y en avait au crème sur oignon. Là. Ça se pliait en bol. Okay. Je trouvais bien raide là-dessus. Ça me rappelle ça. Je pense que ça va être mon nouveau Ritz en boîte. Ouais, je suis pas sûr. Mm. Mais je trouve l'assaisonnement très chimique. Tu trouves? Ouais. Je suis pas fan. Mais toi, tu vas passer à travers. Là. Ben, c'est pour ça qu'il faut que je te remette le sac, sinon je vais pas. Non, mais écoute, continue, là. OK. Tu manges. Je te l'ai dit, là. On mange aux émotions, c'est ça. Oh, y a rien qui nous empêche là, de finir tous les sacs là, de tout ce qui traîne là, dans le même studio. Même ce qui nous appartient pas, c'est ça. Oh, justement, une grosse barre de chocolat, là, regarde, une grosse Mars. Là. Ben, c'est ça. Je vais arrêter pour pouvoir parler. Donc, ah, magnifique, très bon choix. Hey, c'est vrai, c'est pas fini, là. Non, on est de mon côté maintenant. Ah, c'est la joie. Je vais faire ma bouchée un petit peu. Donc, c'est dans mon sac, attention. Où est mon sac? Moi, c'est donc bien long, t'es bien pas prêt. Non, je suis prêt, je suis prêt. Ben, je voulais pas que tu le vois. Parce que le mien est un sucré salé et j'espère te faire plaisir parce que moi, tu sais comment j'adore la version originale de cette collation-là. C'est des nouveaux Turtles! Hein? Sucré salé, apparemment c'est nouveau. Moi, je les avais jamais vus encore. Mais écoute, je sais même pas si je me souviens vraiment pas la seule fois de ma vie où j'ai mangé des Turtles. Pour vrai, j'adore trop. C'est mes parmi mes chocolats de luxe préférés. On s'entend quand j'ai pas. Ouais, ben c'est très cher, les Turtles, ah ouais? D'habitude. Quand même. Ok, c'est ça, là. T'es en train de me dire, j'ai payé ça cher. Non, non, je non. Te gâte, hey. La grande. Ben, je nous gâte parce que c'est essentiel et nécessaire. Parce qu'on mange nos émotions. Et les mini Turtles m'ont tout de suite regardé de par leurs yeux de petits bonhommes qui ressemblent pas mal à celui des. C'est une tortue, je pense, la mascotte de Turtles. Mais il me fait penser au gars des Peanuts, le plein de Turtles. Oui, ben oui, c'est vrai, il a le même chapeau. Je pense qu'on le même. Monocle. C'est ça. Mm-hmm. Mon oncle. C'est ça, ben c'est peut-être son oncle. Ouais. Parce qu'il y a un mon oncle. Je trouve. Oh ouais. Si on regarde l'emballage des Mini Turtles, on est habitué de voir les lignes blanches et rouges. C'est très traditionnel. On est habitué, par contre, de les retrouver plus souvent qu'autrement dans des boîtes. Oui. Ou des emballages plus fancy en métal, des trucs comme ça, les Turtles. Ici, c'est un petit sac à la n'importe quel chocolat Cadbury, les petites puces de chocolat qui goûtent à rien, là, tu sais, maman. Ouais, les c'est boutons, ça. Là, c'est pas bon. Non, non, mais non. Ah, non. C'est vraiment pas bon. Mais bon, donc c'est le même principe. Donc j'imagine qu'il essaie de viser un public un petit peu plus varié, un petit peu plus mainstream. Un peu grand. Plus de dépanneurs. Exactement, exactement. C'est ce qui me fait peur un petit peu, mais j'espère que la recette n'a pas trop changé. Même si là, ici, on parle d'un sucré salé. D'habitude, Turtles, c'est seulement sucré. La mode est très, très au sucré salé. Oui, mais c'est parce que c'est tellement bon. C'est la vie. Je veux dire, cette mode-là ne peut jamais arrêter. Mais non. Jamais, jamais. Donc, sucré salé, ce qu'on voit à l'avant, c'est des Turtles minuscules. Donc, c'est expliqué mini Turtles, c'est oui. Pas des Turtles de grandeur normale. Et on voit sur le côté des petites noix avec du sel dessus. Là, ils ont été enrobés de sel et de sucre. Donc, les Mini Turtles sucré-salé, elles sont faites d'une délicieuse combinaison de caramel, de pacane pralinée, voilà, pacane, saupoudrée de sel marin et de chocolat au lait. Savourez et partagez cette version sucré-salée des Mini Turtles toute l'année. Pour des recettes intéressantes, aimez-nous sur Facebook. Des recettes à partir de Turtles. Hein? Faut aller voir ça. Turtles! Bon à savoir, bon. Les Mini Turtles sont offerts en délicieuses bouchées, idéales pour partager avec la famille et les amis. Vous pouvez aussi facilement en garder pour plus tard. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Voyons donc. Aujourd'hui. Ingrédients sucre, glucose. Donc, sucre et sucre. Substances laitières modifiées, pacane, beurre de cacao, pâte de cacao, huile de palme modifiée, lactose, sel marin, sel et un paquet d'autres choses. Peut contenir des arachides et des noix. D'autres noix. Voilà. Et des arachides. J'ai une recette. C'est une espèce de... Tu sais, les... j'ai oublié le nom. Un genre de bagatelle, comme avec des restants de gâteau qu'on fait ça, là. Dans le fond, c'est... une tasse de gâteau blanc coupé en cubes, 2/3 de tasse de pudding au chocolat, 1 tasse de mini turtles et 1 tasse de crème fouettée sucrée. Ah. Puis ils te font comme un étagé avec ça. Imagine gâteau, pudding au chocolat, turtles, crème fouettée avec un petit turtles pour décorer sur le dessus. Inacceptablement bon. Oh mon Dieu, il y a une espèce de martini au turtles. Ah, mais non. Oh mon Dieu, c'est... Écoute, c'est tout simplement magnifique là, dans un verre avec des turtles broyés sur le rebord du verre. Là. C'est magnifique. Je pense que ça a l'air, ça vaut la peine d'aller là. Il y a des pommes aussi qui ont été comme avec du caramel trempé dans les morceaux de turtles. Donc, il y a plein d'idées cochonnes. Débile. Donc, les mini turtles de sucré salé, je crois qu'on va être rendu à ouvrir le sac, Stéphanie, dans le micro magique. Je pense que tout le monde attend ça. Avec impatience. J'ai peur de voir s'ils sont si mini que ça, mais là, attention. Oh, s'ouvre moins bien le sac que celui-là des bread. Croche un peu, il va falloir l'ouvrir de l'autre côté aussi. Voilà. On a fait un triangle. Ça va, ça me fait un petit pignon. Tente, oui. Oh, merde. Est-ce qu'il est précipé, celui-là? C'est important. Mais je peux pas l'ouvrir parce qu'il y a pas. T'as pas réussi à l'ouvrir assez loin du bord, hein? Ben non, mais c'est parce qu'ils ont mis la coche ben trop haute. Ouais. Ils ont mis la coche ben trop haute. Ben oui, il va falloir que tu l'ouvres avec tes dents. Cher. Ben là, c'est. Bon, ben, parle, là. Bon. Donc, on est encore en train d'ouvrir le sac de Mini Turtles de sucré salé. Moi, j'ai hâte de savoir, premièrement, la grandeur de ces bestioles-là. Je vais voir, c'est très important pour moi. Et à savoir si c'est assez sucré salé. Parce qu'on l'autre fois, on a goûté à des sucrés salés, des gâteaux vachons. Et on voyait pas le. C'est pas salé du tout, du tout. C'est pas assez salé. Donc, il y a une marge, un but à atteindre. Donc, on a ouvert le sac, finalement. Ah, ils sont pas si petits que ça. Hey, ça sent le très bon chocolat. Je suis étonnée, ça sent pas ben, c'est Nestlé, hein, c'est pas Cadbury. Là. Ça sent pas le chocolat cheap. C'est ça. Dépêche-toi, je vais goûter. Ok, moi aussi. Okay. Je suis capable. Est-ce qu'on le décrit? Tu veux même pas qu'on le décrive? Là. Ça ressemble à un Turtle, tout ce qui est plus classique, une petite bombe mais quand même assez épaisse. C'est juste comme une grosse boule aplatie de chocolat. Mais avec des pattes, là, ça, l'important, c'est les pattes, tu vois. C'est comme un petit animal. Comme tortue. C'est pour ça que c'est des Turtles, sont comme en forme de tortue, même. Mais c'est vrai que ça. Ben, non, mais là, je vais pas manger. Ben, à trop de pâtes, on dirait plus une araignée. Coupe-toi la tête, coupe-toi la tête. Donc, on goûte. Est-ce que tu goûtes le salé? Du tout. C'est génial. Mais... C'est pas salé. Aucunement salé. 0-0-0-0-0. Mais ça goûte très bien le chocolat. Ça goûte très bien le caramel. De qualité pour les deux. Le rapport chocolat-caramel est parfait. Selon moi, ça manque peut-être de pacane. Peut-être, oui. J'ai pas tant croqué dans la pacane. T'en as une douce! Un double... Sont en train de copuler! I've got a double tattoos! Sont en train de copuler, sont vraiment une derrière l'autre. Je peux pas mettre les deux en même temps dans ma bouche. Ben oui. Ben oui! Non, les deux! Bon. Tu peux pas séparer un couple amoureux comme ça? C'est un peu salé, mais... Ben pas tant. Mais c'est parce qu'on a goûté... à une espèce de caramel chocolat du Bulk Barn avec vraiment des gros grains de sel dessus. Ça, c'était vraiment impeccable. Donc, c'est difficile d'atteindre cette perfection-là. Mais ça, c'est genre 2$ le chocolat, je sais pas pourquoi. Ben non, peut-être pas. 2,50$. Une pièce, là, gros max. Ça, je sais pas, ça devait être 3-4$ le sac. Ouais, mais l'autre est bon. Je veux dire, l'autre a vraiment ce que tu penses avoir. Mais ça, c'est très bon. Oui, moi, j'adore les Turtles. Je trouve ça, c'est génial. Mais c'est raté côté sucré salé. C'est ça. Il n'y a pas assez de sel encore. Que de déceptions aujourd'hui. Ça n'arrête plus. Mais voyons donc. Moi, je comprends pas. Non? Là, mettez des épices dans vos chips, mettez du sel dans vos turtles. Arrêtez de faire les cheap, là. Puis mettez du gaz dans vos Mountain Dew. Hey, on demande pas grand-chose, on demande juste l'ingrédient de base, là. Ouais. Des bulles dans une cœur. Du gaz, hey. Du sel, puis des épices. Voilà. Mais bon, donc encore une fois, on est tiède, je pense. Un petit peu en haut tiède, du côté chaud. Je suis chaud d'ail. Chaud d'ail. Ouais. Bref, nous voilà à ce point-ci, arrivés à la conclusion de notre deuxième partie de la malbouffe de la semaine. On a une troisième partie tantôt, en troisième heure. Ben oui, ouais. Hein, ça arrête plus. On va aller vers le dessert, je pense, un petit peu plus. Je pense que je souperai pas. Ben moi, j'ai pas dîné, j'ai pas déjeuné, puis je vais... C'est mon plan de la journée, c'est ça, là. C'est ça, hein? C'est pas mal ça, là. C'est de se gâter. On mange nos émotions à Assemblage Requis aujourd'hui. Dans quelques instants... Ce sera les instructions d'assemblage. Ça fait un petit bout qu'on l'a pas fait, donc on a du rattrapage à faire côté conseil pour mieux vivre notre vie. Ça s'en vient dans quelques instants. Mais pour l'instant, Caroline, chanson? Ah! Chanson? Non, on met pas de chanson aujourd'hui. On met pas de chanson. On revient pour rapporter. Non, mais la musique, là, on va perdre du temps ici. Quelle perte de temps. Pour vrai. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, l'émission estivale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oh oui, il nous reste encore une petite heure, là, un petit peu moins d'une heure. En fait, on va sûrement finir par dépasser parce qu'il n'y a pas d'émission après nous. Donc, à peu près une heure. D'assemblage requis. Il nous reste encore une troisième et dernière bouffe, ben, malbouffe de la semaine, si on veut. Oh oui, c'est de la malbouffe. Est-ce qu'on donne des indices ou on se garde ça vraiment, là? Mais tu veux que je te donne un indice? Ouais, ouais, je peux t'en donner un aussi. Je sais pas. Attends. C'était un peu comme ce qu'on vient de manger, okay. Mais pas ce qu'on vient de manger. Un peu comme ce qu'on vient de manger, mais c'est... OK, ça m'aide pas du tout. avant de continuer, par contre, j'ai dit tantôt qu'on jouerait pas beaucoup de musique. C'est vrai qu'on en jouerait pas beaucoup, mais en même temps, je voulais pas en jouer du tout pour le reste de l'émission, là, au moins une autre. On voulait entendre une suggestion de notre ami David Ferron. Tu sais que David Ferron, son émission Brancher le monde, les dimanches soirs à 17h jusqu'à 18h. Il animait aussi l'émission Raconte-moi ta ville avec Chantal Carignan. L'émission s'est terminée. Depuis là, c'est terminé. Madame a eu un poste à la ville de Trois-Rivières, quelque chose comme ça. Elle est rendue... quand même. Big shot pour moi. Donc, on la part malheureusement, mais David Ferron va reprendre le temps perdu avec un nouveau projet. Et là, je vous donne pas trop de détails parce que ça va être annoncé en temps et lieu par les orifices selon les règles. Mais je sais pas trop. Donc, on va entendre une suggestion de sa part qui sonne un petit peu à la M83, le style pop ambiant alterno français. L'artiste s'appelle... Christine and the Queens. La pièce est Nuit 17 à 52 sur l'album Chaleur Humaine. C'est sorti au début du mois chez Bekaza Music. Donc on écoute ça à l'instant. Christine and the Queens tout de suite. À son âge rockeil. Ouais. Puis après ça, ben, c'est les instructions d'assemblage. Ah, cool. Il va y avoir du piano là-dedans aussi, dans la chanson. Mais pas moi qui vais parler par-dessus. Oui, je vais parler par-dessus. Ouais. Nuit 17 à 22, nous étions là. Toi allongé délié dans le mont froid. Toi allongé délié dans le mont froid. Moi, dans une colère qui ne me ressemblait pas. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la voix. Nuit 50, j'ai forcé le sang et la foi. I want it open. Cut it open. Cut it open so you could see through it. And now I'm lazy like. Now I'm lazy like. Je crois. Que le monde sais si menacée. Avide des vents qui venaient disperser. Avide des vents qui venaient disperser. Sa parfaite obscurité est ta revanche. Au petit matin, c'est l'horizon qui penche. Au petit matin, c'est l'horizon qui penche. I want it open. So cut it open. Cut it open so you see through me. And now I'm least alike. Now I'm least alike. Now I'm least alike for the rain to come through. Je crois. Christine and the Queens et la pièce Nuit 17 à 52 sur l'album Chaleur humaine sur l'étiquette Because Music. Si vous aimez ce genre de musique-là, ben Colin, écoute David Ferron. Des fois, il fait jouer de la musique qui n'est pas du monde à son émission Brancher le monde. Il n'est pas du monde. Des fois, il fait jouer de la musique. Juste de la musique qu'il aime bien. Donc, David Ferron, Brancher le monde, dimanche 17h. Ce qui nous amène à vous dire comment mieux vivre, comme je dirais à David des fois, tiens. Fais pas ça, fais ça. Vis mieux. Vis ta vie, négrette. Voici les instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez ou charpente numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17. Repliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. Oh, je pense que Steph est tombé sur une autre chip épicée dans la version roulette des Doritos. C'est sûr, ce qui est le fun d'une émission de radio, c'est qu'il y a tellement de petits indicatifs musicaux qu'on peut se permettre une petite chip pendant une chanson à thème. T'sais. Ouais, ils étaient tous dans le fond, hein, les piquants. Tu pensais pas tomber sur ça à ce moment-là, je pense. Ben, Colin, ça me prend une gorgée d'eau. C'est ça, c'est de la roulette russe, on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, une fois qu'on a trouvé la façon de les manger, c'est-à-dire de le brasser avant... On a du plaisir. Ouais, c'est ça. Donc, les instructions d'assemblage, c'est la chronique où on vous suggère quelques solutions pour mieux vivre. Et Stéphanie, c'est rare que t'es là. En fait, c'est la première fois depuis le début du mois de mai qu'on t'a avec nous. Donc, t'es pas là d'habitude pour me corriger sur les faussetés que j'ai dit dans cette chronique-là. Non seulement ça, tu vas pouvoir me corriger, mais en plus, t'as amené une petite instruction additionnelle pour nous. Oui, j'ai trouvé ça sur Facebook. Facebook. Écoute, c'est un petit truc. Tu sais, un paquet de bacon, faut vraiment que tu sois intense pour en manger tous les jours. Tu sais, si jamais tu veux que ce soit une gâterie, puis en manger seulement la fin de semaine, un matin. En te pognant le bacon. C'est ça. Mais tu te retrouves quand même avec un gros paquet, mais tu peux le faire congeler. Sauf que tu es obligé de faire décongeler ton paquet au complet, parce que sinon, tout ton bacon est congelé en mouton. Tu peux pas juste prendre une tranche, ça se défait. Donc, un beau petit truc pour vous autres, c'est simple. Vous étendez une grande feuille de papier parchemin. Il suffit d'étendre les tranches de bacon côte à côte sur le papier parchemin. Pas trop collé, j'imagine? Ben, je sais pas, ils restent sont collés tant qu'ils sont pas empilés. Mm-hmm. Puis tu peux rouler ton papier parchemin, puis tu le fais congeler comme ça, enroulé. Puis après ça, c'est très facile de seulement sortir une, deux, trois tranches, dépendamment de ton besoin. Et déchirer au bon endroit ou couper aussi. Exactement! Ah. Donc, tu n'as pas besoin de tout faire dégeler, donc plus de pertes. Et ça coûte beaucoup moins cher que les emballages de bacon avec des petits pointillés. Là. Ils te vendent ça comme 2-3 piastres de plus parce que c'est plus pratique. Tu as des petites lignes entre un paquet de tranches. T'as pas vu ça? Non. C'est moins cher, j'imagine, de le faire soi-même. Ben non, c'est sûr. Ça prend 2 minutes. Là. C'est fait. C'est génial comme conseil. Merci, Stéphanie. Maintenant, on parle de sport un petit peu. Pour les amateurs de matchs de sport à la télé, mais qui n'aiment pas les voix des annonceurs. Pour vrai, les annonceurs avec leurs petits faits divers sur les joueurs, puis les scores, les enfants, n'est pas intéressant. Les scores? Quelque chose que tu veux savoir, le score, non? Ben, des fois, ils vont aller sur des faits là, par rapport à toute leur carrière dans d'autres... Je sais pas, il y a des affaires pas intéressantes. Bref, il y a un gars ici qui nous a dit sur le site lifecheating.com que... tu peux amener ça comme à enlever la voix des commentateurs sur tes sports. Il a découvert que la plupart des événements sportifs diffusés en stéréo surround vont pousser des commentaires audio des animateurs via le canal du centre. Donc, vous savez, un système de cinéma maison, vous pouvez simplement désactiver le canal du centre, soit le débrancher ou par configuration le désactiver, mettre son volume à zéro. Il y a une autre façon de faire. Il a fait un petit système un petit peu plus compliqué. Il a passé des fils là, pour pouvoir avoir pour pouvoir le désactiver facilement. Je sais pas trop quoi. Aller voir la vidéo pour les détails, là. Mais juste de savoir que tu peux débrancher le canal du centre et d'entendre l'ambiance, la foule, les joueurs. Très intéressant. C'est vraiment le fun. Très intéressant. Tout le temps des phrases cute, hein? Les haters, les gens qui sont tout le temps haineux, en train de poster des affaires négatives un petit peu partout dans votre vie, là. Mm-hmm. C'est comme des criquants. Ils font du bruit, mais vous pouvez les entendre seulement quand vous les entendez, quand vous les voyez pas, t'sais. Quand vous passez devant un, ils sont silencieux. Ah! C'est ça, c'est comme des criquets. Ouais, voilà. Je comprends très bien. Chez nous, à mon nouvel appartement, écoute, à côté, là, il y a des grillons comme à n'en plus finir. J'ai l'impression d'être en camping constamment. Ben oui. Mais pour vrai, on dirait, j'ai vraiment l'impression qu'il est assis sur le bord de ma fenêtre, là, puis qu'il me regarde, puis il fait expirer. C'est agressant. Une chose que c'est juste l'été, mais c'est que l'été, c'est quand même quelques mois. Mais c'est parce que c'est là que tu ouvres ta fenêtre. L'hiver, je l'ouvre pas, ma fenêtre. Ça me semble que tu l'as pas remarqué. Tu as visité ton appartement du soir, en plus. Ben là, mon Dieu. Il y avait pas une gang de... Je suis sûr qu'il a payé criquet pour... Là, taisez-vous. Je suis sûr qu'il est même allé payer la gare de train. Ouais. Là, passez pas. Elle vient visiter l'appartement. Parce que le train, il passe très, très proche. J'habitais juste à côté de chez vous. Et vraiment, c'est comme s'il était dans ton appartement par moment. Mais t'entends vraiment le bruit du métal, des rails. Moi, j'aimais ça, par contre. Moi, ça me dérange tellement pas. Non, j'aime ça. Je trouve ça met de l'ambiance. Mais ça passe. Puis c'est plus fort que moi. Je me vire de bord. Ouais. Je regarde par la porte patio. Puis j'essaie de deviner de quel bord il va arriver. Ouais, non, c'est vraiment cool. Moi, Puis mon chat l'aime pas. Là, ça va se cacher. C'est sûr. Mais ça prend 2 secondes, elle est revenue, puis... Non! Est-ce que ça shake? Est-ce que la vaisselle shake? Ça, c'est moins le fun. J'ai pas entendu la vaisselle shaker, mais tu sais, je le sens, là, ça tremble. Il faut avoir un bon sommeil pour être capable de vivre la nuit quand il y a ça. Il n'est pas passé de nuit encore. Ah, ça va venir. C'est pas arrivé. Ça va venir. Quand tu veux barrer des mots sur une feuille et tu veux pas que ce soit lisible... Tu sais, c'est facile de faire des traits à l'horizontale, pas trop. Bon, on peut faire des traits à la verticale dessus. Ça peut rester lisible quand même. Donc, vous pouvez écrire des lettres par hasard par-dessus et ça va vraiment masquer les mots. Ah, OK. Écrire des mots par-dessus. Ben sinon, moi, j'avais tendance à faire vraiment des petits brouillons, là, vraiment, plus des tourbillons, des nuages. Des zigzags, des tourbillons. Ouais, c'est ça, parce que quand on écrit, j'imagine, c'est un peu plus linéaire que ça, donc ça va plus brouiller... Les pistes. Moi. Mais bon, écrivez des mots par-dessus, ça pourrait être bien. Et écrivez des bêtises que vous voulez pas non plus que les gens voient, mais qui vont être juste drôles, tu sais. telle personne, c'est un con. Comment enlever... Plantes, ouais, j'imagine. Une lopette. comment enlever du marqueur permanent d'à peu près tout? Mais là, ça se peut pas, c'est permanent. Ben non! sur des vêtements, vous pouvez... je te crée pas. Sur des vêtements, utilisez du sanitizer, du petit savon du Purel, c'est exactement ça. Sur les murs, de la pâte à dents ou du spray net pour les cheveux. Ah. Sur le bois, de l'alcool à friction. Ah. Sur le tapis, du vinaigre blanc. Ah. Sur un tableau blanc là, à effaçage, là. C'est genre avec vous utilisez un marqueur pour tableau blanc. Donc, si, mettons, il y a du marqueur permanent sur le tableau, réécrivez dessus avec du marqueur et vous allez pouvoir l'effacer avec du marqueur fait pour les tableaux blancs. On se comprend là-dessus. Et pour les meubles, mettez du lait. Ah, ouais! Got milk? Yes, on my couch! J'aime ça. J'aime, c'est vraiment des bons conseils, je trouve. Moi, je vais les oublier, par contre. Moi aussi, mais sur assemblagerequis.com. Ah, ben là, je vais aller des archives dans 10 ans, puis... Ben, c'est ça, chercher... C'est ce qu'il faut avec assemblagerequis.com. Tu peux chercher par mots-clés. Tu peux chercher, mettons, marker, et ça va te sortir toutes les émissions qui ont le mot marqueur dans les notes de l'émission et tu vas pouvoir tomber dessus, aller dans les instructions d'assemblage et tomber sur le bon lien. T'es tellement brillant, Mathieu. Ah, merci. Mais sinon, allez dans les notes de l'émission de la semaine du 9 juin 2014. Que vous soyez un garçon ou une fille, demandez à votre béguin, votre personne fétiche. Votre rangeade. Votre rangeade. Votre croche. Oh! Attends, donc, demandez-lui quand même de sortir avec cette personne-là. Parce que c'est mieux de vivre en sachant que la personne ne veut pas sortir avec toi que de te demander si j'avais tenté ma chance, est-ce que j'aurais pu être avec elle? Ah, ben oui. Là, t'as le temps de faire ton deuil, au moins si jamais c'était non. Mais voilà. Mais si tu le sais pas, tu vas vivre avec des regrets toute ta vie. Exactement. Un conseil ici, de ne pas laisser votre portable au soleil. Il y a une photo sur assemblagerequis.com de qu'est-ce qui se passe quand vous laissez un miroir à côté d'un ordinateur lorsqu'il fait trop soleil. Le soleil est passé à travers le miroir, en tout cas pas à travers, mais en ricochet, et a plongé sur le clavier et ça a fait une grosse lignée de fondaison. Oh! Des os. Ouais. Fondaison. Je sais pas. Là. Fondation. Fonditude. Ça a fondu. Ouais. Ah! Ça a fondu? Non. Ah oh, mon Dieu, je capoterais. C'est vraiment comme très bougri. Mais non. Utilise ton téléphone. Tu sais, la lumière de ton téléphone, tu sais, la petite lumière qui est en arrière de ton... Ben, bon, en arrière. Dans ton téléphone, en dessous d'une bouteille d'eau. Ça va faire une lanterne qui va distribuer la lumière pas mal mieux que juste la lumière normale de votre téléphone quand vous activez la lumière LED. Avec une application flashlight? Ben, ça dépend sur ton iPod. Depuis iOS 7, tu peux activer directement ta petite lumière en appuyant dans le panneau de... Ah, mais je trouve que ça éclaire déjà vraiment beaucoup. C'est pas mal, mais imagine si t'en as encore plus besoin dans une bouteille d'eau. Ah. Et j'imagine que tu peux prendre une bouteille de Gatorade, faire une bouteille orange, une lumière orange. Oh, oh oui. Pour l'Halloween! comment avoir plus confiance en soi? La façon la plus rapide de gagner la confiance en soi est de faire exactement ce dont tu as peur. OK, donc te jeter en bas d'une falaise. C'est ça. ça, je trouve que c'est une bonne idée. On a déjà parlé de ce genre de conseil-là dans le passé, de mettre un écran de TV avec une plage sur le mur pour faire comme si c'était une fenêtre menant vers la plage. Quelque chose de plus simple, de plus petit budget, c'est de faire imprimer une photo que vous aimez en plus grand et de la coller ou la clouer derrière une vieille fenêtre. Tu sais, mettons, des fois, quand tu rénoves ta maison, t'as des fenêtres qui sont plus bonnes. Tu peux faire agrandir ta photo, peut-être en cadre, et puis la clouer derrière ton ancienne fenêtre et mettre ça sur le mur. Et ça va faire comme si tu avais une fenêtre, mais ça fait super vieillot. Ici, on laissait vraiment le bois qui n'était pas parfaitement peinturé. Tu sais, il y avait de la peinture qui avait été enlevée. Donc, ça fait quelque chose de cute. Ici, ils ont mis une photo super quétaine d'un couple en train de s'embrasser. Ouais, mais ça peut être autre. Ça pourrait être des chats. Ça pourrait être des chats ou des chevaux, ouais. Ou sinon, tu peux tout simplement t'acheter des petites bordures puis t'en faire un si vraiment tu trouves ça beau. Ah oui. Puis tu fais juste mettre ça autour sur le mur puis c'est très, très beau. Voilà. Ça donne un petit look. Un petit look. Pour faire des croustilles de pommes. Des croustilles de pommes, tout ce que tu as besoin, c'est de la cassonade et de la cannelle. Tu laisses ça pendant 2 heures au four. Et ça dit même pas de température, ça dit même pas de durée. Fais juste le serrer dans le four pendant un bout de temps. Oui, 2 heures. Ça dit-tu 2 heures? Oui, tu l'as dit. T'as bien raison. C'est ça. Mais ça dit pas à quel degré, excuse-moi. Non, mais tu y vas avec le degré de base, 350. 350? Moi, quand je le sais pas, je mets ça à 350. La formule toute faite. Ensuite de ça, je suis en train de me demander celui-là si je l'ai déjà fait. Je sais que des fois, tu t'en rends compte avant moi si je l'ai déjà fait. On prend des fraises, on leur enlève le dessus vert. On va vider l'intérieur avec un couteau pour avoir seulement l'extérieur. On enlève le petit blanc, finalement. On enlève tout ce qui est blanc à l'intérieur de la fraise. On va garnir de Nutella ces fraises-là et on va remettre le petit capuchon de la fraise pour faire une fraise fourreau frolo. Oh, que miam! Le contraire d'un chocolat fourreau fraise, ça ne peut pas être mauvais. Ça, c'est un petit peu cute, mais en même temps, c'est quétaine. Mais j'aime ça des fois, les affaires quétaines, tu sais, c'est pas nouveau dans cette chronique-là. Évidemment, il y a plein d'explications en dessous. C'est écrit trop petit pour que je puisse le lire de loin comme ça. Mais c'est les 10 façons d'aimer. Écouter sans interrompre. Parler sans accuser, donner sans limite, si on veut. Je vais sauter par-dessus le prier sans arrêter. répondre sans se chicaner, sans essayer d'argumenter en ta faveur. Partager sans prétention. Avoir du plaisir sans se plaindre. Faire confiance sans arrêt, encore une fois. C'est un petit peu tout le temps des synonymes. Pardonner sans punir l'autre personne. Et promettre sans oublier. D'une façon d'aimer. C'est cute et c'est quétain. Oh, c'est quétain. Si tu veux changer plusieurs affaires au sujet de la personne avec qui t'es en couple, disons, ton autre moitié, ta tendre moitié, c'est que t'aimes pas ta tendre moitié. si t'as changé trop de choses, que tu veux changer trop de choses au sujet de l'autre personne. C'est sûr que si tu veux tout changer, tout se met à changer la personne au complet. Exactement. C'est juste que t'aimes avoir quelqu'un dans ta vie, donc la personne en tant que. T'aimes pas avoir quelque chose dans l'œil. C'est la prochaine fois que ça va arriver. Ouais, c'est ça. T'aimes pas avoir quelque chose dans l'œil. C'est vrai ça. Non, un doigt, un cil. Mais quand c'est un cil, l'autre fois, on avait parlé de prendre ta paupière d'en bas, la tenir et puis cligner des yeux. Il y a un autre truc ici, c'est de remplir, et ça va être un petit peu plus compliqué, de remplir un bol d'eau tiède et d'ouvrir tes yeux dedans. Ah non! Même s'il y a du chlore et du fluoreux, je sais pas trop quoi. Non, de l'eau tiède. Bon. De l'eau tiède. Maintenant, au travail, ça fait un petit peu compliqué. Dans l'abreuvoir, dans la buvette, pas sûr, mais quand même, c'est un conseil comme un autre. Ça, j'aime bien cette idée-là, c'est dans une classe, j'imagine, de primaire. J'allais dire de maternelle parce que ça a l'air vraiment bébé comme classe, mais je dirais plus primaire parce qu'on parle de téléphone cellulaire ici. C'est que les enfants peuvent pas avoir leur crédit de participation. Oui, ils ont des crédits de participation à leur cours. Il faut qu'ils mettent leur téléphone dans un rack à souliers. Donc, vous pourriez faire la même chose pour un party ou un souper de famille ou peu importe. Vous avez un rack à souliers, les gens mettent leur téléphone dans les pochettes avec leur nom dessus dans ce cas-ci. Et à la fin de la soirée, les gens récupèrent leur téléphone. Au lieu que les gens soient tout le temps en train de pitonner sur leur téléphone. Il n'y a rien de plus gossant que ça. Ouais. Si vous n'avez pas de cuillère, ça, là, au travail, un coup mal pris, là, je trouve que c'est une maudite bonne idée. Okay? Quand t'as pas de cuillère pour manger, mettons, ton yogourt, et que, et que t'as pas le contenant de yogourt que tu peux facilement te squeezer dans la gueule. Puis t'as pas la chasse-galerie à côté pour t'aider. ou la cafétéria à 2-3 pas d'ici. Non, t'as rien du tout. Sauf que t'as du scotch tape. T'as du papier collant. Et une fourchette. Oui, une fourchette. Tu t'es amené une fourchette, mettons, ou tu t'es trouvé une fourchette. Ça arrive. Ça t'arrive très souvent, toi, j'ai l'impression. Très souvent que j'amène une fourchette, mais pas de cuillère. Ouais. Sauf depuis que t'as tes super ustensiles Tupperware qui clipsent ensemble. Est-ce un bon produit en vente pour seulement insérer mon temps ici sur Tupperware. Non, appelez-moi. Appelez Stéphanie Paradis au numéro de téléphone qui apparaît au bas de votre écran. Donc, prenez votre fourchette, allez la chercher sur Facebook, et enroulez du scotch tape, du ruban collant adhésif au-dessus de votre fourchette et ça va faire une cuillère. Ben oui. Évidemment, jetez le premier bout de papier collant qui est sur votre bureau depuis des semaines puis qui accumule de la poussière. Bon. Évidemment, hein? Ça va sans dire. Pour enlever facilement vos points noirs sur le nez, ça fonctionne très bien, nous dit-on. Mouillez votre figure, votre visage avec de l'eau tiède pour ouvrir les pores. Ensuite, mélangez une partie de bicarbonate de soude avec une partie de pâte à dents, c'est pas laquelle, et deux parties d'eau dans un petit bol, ou peu importe le contenant, on s'en fout. C'est quoi, ça dit pas laquelle? Ça dit pas quelle pâte à dents. Ben, la tienne. Non, je sais, mais des fois, il y a des pâtes à dents avec peut-être plus de produits ou moins d'affaires ou plus de, tu sais. Tu sais, mettons la nouvelle pâte à dents au chocolat. Il y a ça, c'est vrai, aux États-Unis, ouais. Ça a l'air bon. Non, j'aime ça me sentir fraîche quand je me brosse les dents. Ouais. Mais peut-être que c'est du chocolat à menthe, on ne sait pas. Donc, répétez ça, frottez ça premièrement sur l'endroit affecté avec votre vieille brosse à dents, évidemment pas la nouvelle. Répétez ça aussi souvent que nécessaire. Une fois par jour, avant d'aller vous coucher, vos points noirs vont disparaître. Donc, je répète la recette, une partie bicarbonate de soude, une partie pâte à dents, deux parties eau dans un contenant. Ah. C'est cool, hein? La haute pression atmosphérique va avoir un effet sur les bulles dans votre café. Si les bulles sont plus proches du centre, vous pouvez vous attendre à de la pluie. Hey. Ou à peut-être même des éclairs ou une tempête. Ça marche-tu avec le Mountain Dew? Je sais pas. Mais il n'y a pas grand gaz dedans, fait peut-être que non. Non, mais il y avait des petites broues sur le dessus. Il n'y a pas de gaz dans le café? Non, pas de gaz dans le café, non. Mais c'est la pression atmosphérique élevée qui a une certaine raison sur vos bulles dans le café. lorsque, tu sais, votre carte Visa, si vous voulez essayer, mettons, il y a un site premium là, sur Internet là, qui veut vraiment votre numéro de carte de crédit. Il vous propose de faire un essai, mais il vous demande le numéro de carte de crédit. C'est pas comme juste ça. Les sites pornographiques qui font ça? Entre autres, mettons. Mais qui te demandent une carte de crédit et que si tu veux pas continuer, il va falloir que tu leur écrives pour annuler. Alors que sinon, ils vont juste continuer à prendre prendre un premier paiement après. Bref, utilisez une carte cadeau de Visa. C'est super simple, ça fonctionne très très bien partout où ils prennent Visa. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant peut-être 2 semaines. Avant d'avoir ma nouvelle carte prépayée Visa. Donc, je sais pas, une carte cadeau, vous pouvez l'avoir pour vraiment un montant ridicule. Vous pouvez prendre une carte cadeau de presque rien. Là. Mettons, je sais pas, 5-10$. Vous allez avoir ça de côté. Je sais pas c'est quoi le montant minimum. Je pense qu'il y a des cartes cadeaux qu'on peut mettre notre propre montant dessus aussi. C'est intéressant, ça. Je pense que oui. Mais pour vous inscrire à un site gratuit, ça va même pas débiter votre carte. Tu sais, vous êtes safe. Si jamais il arrive quelque chose, t'es sûr qu'il t'arrivera rien, finalement. Exactement. Moi, je trouve que c'est vraiment parfait solution. Très bonne idée. Ensuite, en dessous d'un reçu ou au bas d'un reçu pour les Bang Krispy Kreme. Mm-hmm. Là, on parle aux États-Unis, mais je le mentionne parce que c'est la marque qu'on mentionne dans l'article, mais ça se fait pour d'autres compagnies aussi. On vous demande de remplir un sondage et il vous donne un code pour avoir un Bang gratuit. pour avoir participé au sondage. Donc, quand vous recevez votre bang, vous prenez un autre reçu, un autre sondage, un autre bang. Moi, ce que je fais, c'est avec les factures de, mettons, métro. Moi, je suis avec métro en ce moment pour accumuler des points. Et à chaque fois que tu vas remplir un sondage, une fois de temps en temps, ils vont te donner des points puis tu vas participer à un concours. Fait que tu le fais, ça prend pas de temps. Ça me prend littéralement 30 secondes quand j'en viens à l'épicerie. Tu y penses pas à le faire parce que c'est en bas d'une facture qui mesure 2 mètres de long. Mm-hmm. Tu le fais. Et dans ce cas-ci, c'est un bang gratuit. Ça pourrait être d'autres offres. Des fois, c'est du rabais sur un gaz. Sur du gaz, peu importe. Sur un gaz. Ça peut aider des fois quand t'es ballonné. Je veux pas payer pour mes gaz, tu sais. J'ai habitué tout le temps, j'ai un pot à gaz, puis quand je fais un gaz, je mets une pièce dedans, puis ça me ruine tellement. Tu peux soulager une paper cut, une quand tu t'es fait mal à cause du papier, évidemment. Oui. Tu peux arrêter les douleurs en mettant un petit peu de chapstick, ce truc pour les lèvres, sur ta blessure. Ah! Est-ce qu'il paraît que ça fonctionne bien? Ah! Tu veux que les gens t'aiment, hein? Essaie pas de faire pitié. T'sais, donc, arrange-toi pour qu'ils se sentent bien par rapport à eux-mêmes. Donc, mm-hmm. Tu leur demandes à eux s'ils vont bien. Tu essaies de les encourager dans leurs affaires. Et ils vont vraiment commencer à plus t'aimer. T'sais. C'est sûr que des fois, dans la vie, dépendant de ce qui se passe autour de toi, tu as de la misère à essayer d'avoir l'air de bonne humeur. Mais il faut essayer de le faire parce que sinon, tout le monde va commencer à trouver que Colin, c'est lourd. C'est ça. Fais attention. Pour vous soulager d'un coup de soleil, on peut prendre du gel aloe vera de l'aloès. Comme on dit tout le temps, et faire congeler ça dans un bac à glace. Je pense que j'ai déjà mentionné celui-là, mais c'est quand même un très, très bon conseil pour l'été qui s'en vient. Donc, dans un bac à glace, tu mets de l'aloe vera et tu vas pouvoir passer ces cubes-là sur ton coup de soleil et ça va le soulager instantanément. J'aime intéressant. Ne dormez pas nu. Attends. T'as un peu. Qu'est-ce que tu vas me dire là? J'ai lu un article qui dit exactement le contraire. OK, mais moi, en tout cas... OK, qu'est-ce que tu vas me dire? C'est vraiment stupide, parce que sûrement que le tien a plus de preuves ou une raison d'être. Le mien, c'est un petit peu stupide. Ça dit de ne pas dormir nu, parce que si jamais il y a une urgence, que le feu pogne dans le bloc, puis t'es tout nu, t'auras pas le temps de mettre de vêtements, tu vas sortir, tu vas tout nu. Ma robe de chambre est accrochée en arrière de la porte, ça prend 2 secondes de la prendre. La porte est enflammée, man. Ben oui, mais là, je vais être morte d'abord. Bon, good! Vois le bon côté des choses. C'est pas grave, je suis tout nu, mais je suis morte. Mais c'est ça, j'aurais plus de peau. Non, mais. Qu'est-ce qu'il disait ton article? Ah non, c'est plein de raisons. Des questions de chaleur pour les bactéries, puis tout ça. Puis c'était une question de confort aussi avec les changements de température du corps la nuit, tout ça. C'était juste plein de raisons comme ça. Mais si je suis toute seule, je suis pas capable de dormir nue. Parce que justement, je me dis, si le feu pogne, ça a l'air fou. S'il y a un voleur, ça a l'air fou. Mais on dirait que si je suis pas toute seule dans l'appartement, que ce soit ma belle-sœur qui était ma coloc à l'époque ou mon chum, ben, je me dis, bon, s'il arrive de quoi, ils vont s'arranger avec le voleur. Moi, je vais m'habiller. c'est aucune raison valable, mais c'est psychologique, je pense. OK, ben, je m'attendais à une meilleure raison que ça, mais je peux comprendre. Une étude nous apprend que les femmes étaient plus attirées par le visage d'un homme quand ça faisait 10 jours qu'il s'était pas rasé. 10 jours est la moyenne selon une étude. 10 jours? 10 jours. Moi, je trouve ça long, 10 jours. Pas long en durée, long comme barbe. Ben, ça dépend aussi de ta physionomie. Oui. Parce qu'on s'entend, 10 jours... Ça devient hirsute et malpropre. Mais c'est parce que entre les deux, il y a un moment où ça pique puis c'est vraiment désagréable puis que c'est pas beau. Non. Puis au-dessus de ça, c'est juste trop long. C'est dur à entretenir une barbe. Je suis contente de ne pas en avoir. Ouais. Moi, je te dirais, personnellement, je trouve que le moment où je me sens le plus confortable et peut-être pas le plus attrayant, mais le moins repoussant, mettons entre 3 et 5 jours, je trouve que là, ça va bien. Là, j'ai commencé, pas aujourd'hui, parce que je m'étais dit pour la chronique Tu manges mon cœur que j'allais parler du nouveau rasoir là, de Gillette. Je voulais en parler. Quoi. OK. J'en parlerai la semaine prochaine. Fait que je l'ai essayé hier. Je garde mes commentaires pour la semaine prochaine. Mais d'habitude, je suis rendu à me raser avec un clipper pour les cheveux. Ouais. Ça va beaucoup mieux, je le conseille, pour avoir une barbe entretenue de peut-être 2 jours dès le départ. Puis après ça, ben, tu bâtis là-dessus 3 jours, 4 jours, 5 jours, bingo, tu rases. Après ça, tu refais à 2, 3, 4 jours. C'est ça. T'es tout le temps dans le même parfait. T'as pas besoin d'être à la fesse. C'est exactement ça, j'ai plus besoin d'être à la fesse. Bref, on apprend ici 10 jours selon un sondage. On va vraiment se dépêcher pour les derniers. Il y en a des plates. Je vais sauter quelques plates. Si votre voiture sent la fumée, coupez une pomme en deux. Laissez les deux moisir dans la voiture pendant la nuit. Le matin, la pomme va avoir tout absorbé. Ah! Pomme coupée en deux dans la voiture pour la fumée. Tout le monde fait des erreurs, mais admettre vos erreurs avant de pointer les erreurs des autres est une meilleure façon de vivre. Pointer ses propres erreurs avant de dire celles des autres. Si votre DVD, votre disque DVD skip Ça repart tout le temps au début, ça revient au menu. Prenez une pelure de banane, passez ça dessus. Ensuite, essuyez-le, et là, ça devrait jouer correctement. Une pelure de banane. Pas une pelure de banane, une banane sans sa pelure. Peeled banana, en anglais. Oh, OK. Peeled banana. Faut le traduire correctement, là. Oh, oui. Sinon, parce que combien de personnes auraient gaspillé des DVD à cause de toi? Oui, mais au moins, il n'y aurait pas gaspillé de banane, parce que ça aurait été juste la pelure, il aurait pu manger la banane. Alors que là, tu vas gaspiller la banane parce que tu n'en mangeras pas après. Ah! Ah, mais t'as pas besoin d'une banane au complet? Non, non. Je suis une tranche. C'est ça. Tu vas vraiment juste prendre la pointe de la banane. Super radin parce que tu veux manger le reste. Si t'as besoin de gaz, encore une fois, gaz de voiture, allez-y le matin parce que le gaz est tout le temps évidemment en dessous du sol. Je pense que tout le monde savait que c'était pas dans la petite machine qui est à l'extérieur du sol. Là. Il y a pas tant de gaz que ça. Et donc, tôt le matin, c'est là qu'il va être le plus dense. Ils vont donner plus de gaz pour l'argent que tu vas payer. C'est le même prix par litre, mais vu que le gaz est plus dense le matin, j'imagine par rapport au froid en dessous du sol, tu vas avoir un petit, peut-être pas beaucoup, mais un petit peu plus de gaz pour ton argent le matin. Ouais, mais il y a quelque chose d'écrit sur la machine qui ça dit que le prix c'est corrigé à tel volume. Corrigé à 15 degrés, fait que je pense que ça change rien. Ça dépend peut-être des pays, mais d'après moi, ici, ça fonctionne pas. Peut-être, ou tu sais, 15 degrés, peut-être que vraiment l'hiver, vraiment au pire froid, peut-être que ça change quelque chose. J'en ai aucune idée. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée. Mais en effet, selon les commentaires en dessous sur Twitter, que ça n'a pas l'air tout à fait vrai non plus. Selon les commentaires et selon toi. Donc, je pense qu'on s'entend pour dire que celui-là, on ne lui fera pas confiance. OK, fait que j'ai plus besoin de me lever à 6 heures le matin. Non, c'est ça. Pour aller... Non. D'accord. On annule celui-là. Et en fait, je pense qu'on va terminer là-dessus. Parce qu'il est vraiment rendu comme à peu près le temps de passer à autre chose et à notre malbouffe de la semaine numéro 3. Ah, encore? On finit sur une note mauvaise où le fait est faux. Ah, attends peu. Attends, faut finir avec un bon. OK. J'aurais dû garder mon truc de bacon. T'aurais dû, ouais. Un facile pour le meilleur résultat, laisser la pâte à dents blanchissante, là, la pâte à dents blanchissante que tout le monde utilise en ce moment qui est bien dans la mode, laissez-la sur vos dents quelques minutes, ben, peut-être pas trop longtemps, mais quelques minutes pour que ça fasse plus effet. Parce que les gens ont tendance à tout de suite se rincer et ça fera pas autant effet que si vous laissez un petit peu plus longtemps. Bon. Si vous devez nettoyer du vomi, mettez des graines de café. Tu veux pas finir avec le vomi? Non. mettez des. Parce que je vais faire dans l'ordre de me rappeler où je suis rendu. Pour nettoyer du vomi, mettez des graines de café dessus en premier, moulu. Donc, ça va enlever l'odeur et ça va vous permettre de le balayer facilement. Ah. Si vous échappez une bague, une boucle d'oreille ou une petite vis ou quelque chose comme ça, vous avez seulement à éteindre les lumières dans la pièce, utiliser une lampe de poche et ça va refléter. Ben oui. Vraiment un très bon conseil là-dessus. Là, tu peux retrouver plein d'autres choses que tu avais perdues jadis que tu n'avais pas retrouvées. Tellement. Justement, j'ai perdu une punaise dans la salle de bain. Il faudrait que je la cherche plus intensément. C'est tellement le pire endroit pour perdre une punaise. Ce qui me ramène à notre célèbre anecdote sur Pinterest, qui, sais-tu juste moi, où ce serait plus punaisé qu'épinglé, parce que pin, c'est plus une punaise qu'une épingle, non? Juste ça de même. Ouais, mais pin, mettons une épingle, là, tu sais, les macarons, là, c'est une pin. Ouais. Et ça serait vraiment piné, épinglé. Épinglé, peut-être. Je sais pas, hein. De toute façon, punaisé, c'est pas beau. Non, hein? Ça se dit. Je pense vraiment pas que ça se dit. Voilà donc pour les instructions d'assemblage sur cette anecdote savoureuse. On prend une pause. Au retour, la babouffe de la semaine numéro 3. Ça va être la fin de l'émission. Restez là. FOU 89.1, la radio des étudiants de l'UQTR. C'est fou, ça! Vous êtes à l'Assemblage requis avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Plante. On joue pas beaucoup de musique aujourd'hui parce qu'on a trop de plaisir ensemble et on profite de l'instant présent. Il y en a de la musique, il y a des oiseaux qui chantent. C'est vrai. Ça, c'est un merde. Oui. Il y a de la musique derrière les publicités. Ben oui. Donc ça compte, ça. Sinon, je peux chanter. La la la schtroumpf, la ah! la. Ah, c'est gueule, vrai ça. Pas. Ça fait, c'est, la petite forêt, ça fait penser au schtroumpf pour vrai. Ah ouais? Je trouve pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça nous ramène pour une troisième et dernière fois pour cette semaine à la malbouffe de la semaine. La bouffe de la semaine. Non. La malbouffe de la semaine. Il y en a qui disent des fois que je suis un peu rapide, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pense ça, là, ben, qui mange de la merde? Oh yeah! C'est la malbouffe. Ouais. C'est la malbouffe de la semaine! J'ai fait un peu trop fort. Les oiseaux chantent très mal sa chanson d'ailleurs, je trouve qu'ils sont pas beatés par alors, c'est la malbouffe de la semaine, édition 3 de 3. On a fait du salé, on a fait du sucré, du gazéifié, du chocolaté, du caramélisé, du pacanisé même. Mais ça va, hein? On a tout fait ça. Il nous reste une dernière étape. Oui. Si on veut le dessert. Pas tant que ça en même temps. Moi, j'ai un dessert. Moi, en tout cas, pas un dessert, une collation. Type fin de semaine, type tu mangeras pas ça trop souvent dans ta vie. Ça, tu m'éclaires pas beaucoup. Ça m'éclaire autant que tantôt ce que je t'ai dit. On va manger quelque chose un peu comme l'inverse de ça. Oui. Mais pas totalement. Pas exactement. Fait que tu veux-tu que je commence ou tu commences? C'est à ton tour de commencer. OK, parfait. Allons-y. Ouais. Parce qu'il me reste une dernière chose dans mon joli sac. C'est... Et tu m'as demandé en plus, plus tôt cette semaine, si j'amenais des jujubes. Et là, je savais pas si ça voulait dire que t'en amenais déjà ou que je pouvais en amener moi-même. Donc, en voici des jujubes. Et ce sont des jujubes... C'est des gros pieds! C'est des gros pieds Bigfoot, traditionnellement de la compagnie Allen, mais aux fraises, guimauve et barbe à papa! Ah. Ça sent bon, même le sac fermé. Pour vrai? Je te le jure. Mmh. Tu veux le sentir? Ça sent, puis le sac est fermé. Hey, mais ça sent le sucre, hein? Vraiment. Parlons-en un petit peu. C'est deux délicieuses saveurs réunies pour en créer une troisième. Donc, c'est fraises plus guimauve et garbe. C'est tout ensemble. C'est les trois saveurs réunies comme... Ben, c'est deux saveurs qui font une troisième saveur. Donc, la fraise et la guimauve viennent faire qui la saveur donne de barbe à papa. OK. C'est une bonne idée. OK. C'est comme une fusion là, des deux. Ça donne le goût de faire des mathématiques. Fraise plus guimauve égale barbe à papa. Et le petit genre de... Je pense que c'est un Yeti ou un... Un homme, mais c'est le Bigfoot. C'est le Big... Ben, c'est ici. Évident. Hein? Entre ses mains, il a un Bigfoot rouge qui représente les fraises et un Bigfoot blanc qui représente la guimauve. Oui. Évidemment, la logique derrière ça. 200 grammes pour le sac. C'est un bonbon sans arachide, même qu'il précise sans arachide. Et à côté, bonbon. Comme dans... C'est évident qu'il n'y a pas d'arachide, c'est un bonbon même. Non, mais dans l'usine. OK. Deux délicieuses saveurs. Vous pouvez suivre les aventures de Bigfoot sur facebook.com/BigfootCandy. Mais attends un peu, c'est pas juste Bigfoot, c'est Magic Bigfoot. Oh, incroyable, mais vrai. Mais je pense que le nom du personnage, c'est Bigfoot, mais ce qu'il fait, c'est de la magie avec ses bonbons. Tu comprends ça? Ben oui, il y en a mélangé deux sortes. 130 calories pour 7 morceaux. Encore une combinaison qu'on fait rarement, 7 morceaux. Sucre, glucose, sirop. Non, sirop de glucose, pardon. Amidon de maïs modifié, jus de poire concentré pour donner de la saveur. Arôme naturel et artificiel, bien sûr. C'est fabriqué au Canada. Avec des ingrédients canadiens et importés. Moi, écoute, on dirait que ça m'étonne. Je suis comme pas habituée, mais pour moi, la marque Allen, c'est des bonbons de grand-mère. Ah oui, pour vrai? Oui, moi, on dirait que je suis habituée que c'est chez ma grand-mère, il y a toutes sortes de bonbons, on dirait que c'est tout le temps à cette marque-là. Ah. On dirait que je suis pas nécessairement portée à aller vers ça, parce qu'on s'entend, si tu regardes l'emballage, c'est pas nécessairement beau, là. Ben... Moi, je trouve que c'est vieillot. C'est pas... Ça n'a pas changé depuis longtemps, mettons. Le look, c'est là. Ça, je veux dire, il n'y a pas une grosse recherche là-dedans. Je pourrais te faire ça demain matin. Là. Assez facilement. Ils ont séparé le sac en deux couleurs, quand même, avec des petites étoiles dans le milieu pour varier un petit peu le sac, qui d'habitude serait d'une couleur uniforme, il me semble bien. Je pense que c'est le mélange du bleu avec l'ensemble rouge et blanc que j'aime pas. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est le gros blob de bleu entre Big et Foot, qui n'est pas nécessaire du tout. C'est ça, je dis. Mais bon, là, il faudrait le voir pour comprendre dans ce cas-ci. Mais j'avoue que le look en tant que tel n'est pas très, très gagnant. J'aime le fait que la guimauve, elle a l'air d'avoir un centre gluant, si on veut. Gluant. Sur l'image. Glumauvant. Je ne sais pas si ça veut dire que le Bigfoot lui-même va avoir un centre à la guimauve. Est-ce que c'est l'extérieur qui va être rouge et l'intérieur blanc? Ben ou non, non, rose? Non. Ça a l'air empilé. Empilé. Ça a l'air vraiment d'être les deux, un par-dessus l'autre. J'avoue qu'en arrière, il y a une petite photo. Ben, photo. C'est un dessin. on va l'ouvrir, on va regarder, on va pouvoir juger par nous-mêmes de quoi ça en revient. Ça ne dit pas pendant. Donc, dans le micro magique, on va entendre les Magic Bigfoot. Mais ça, je suis pas bonne pour ouvrir ça, ce genre de sac-là. Ouvre-le par le coin, il y a une petite entaille. Ah, oh, oui, donc, je baisse cette trappe. Ouh! Ouh! Oh! Ça sent fort, hein? Ça sent, à la limite, je te dirais, les Campino. Ah! J'adore les Campino avec du yogourt dedans! Parce que, dans le fond, le Campino, c'est... C'est dans le fond, le Campino! Oui, c'est les Campino, oui! C'est blanc et rouge, ouais. Donc d'après moi, c'est exactement les mêmes saveurs que ça. Ah, ça se peut! Si c'est le cas, c'est sûr que je vais triper. Et en plus, c'est contrairement à un Campino, qui d'habitude, il y a beaucoup de Campino qui sont des bonbons durs, il y a des bonbons mous, je pense, Campino aussi. Mais ça va être gluant, si okay. On veut. Là, je suis vraiment étonné. Non. C'est les deux. Il y a des séparés. Rouges. Ah, faut que tu les mélanges ensemble dans ta bouche pour faire un sandwich. OK, il faut les agencer nous-mêmes. Il y a donc bien du travail à faire là-dedans. Ben là, j'ai pas besoin de penser. On s'est dit qu'on mangeait nos émotions. Hein. OK, fait que là, selon en arrière... Ah, mais là, non, vache, non, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas les empiler. J'ai un pied gauche puis un pied droit. Ah, ben là, t'as mal fait ta job. Là. OK, t'as pas, j'ai deux pieds gauches, là. OK. Là, selon le dessin, t'as d'abord supposé les empiler, les manger en même temps. Donc, on va faire ça, nous aussi. Faut-tu les écraser? Ben, je pense que ce serait mieux des écrases. Mais faut qu'ils quand même qu'ils tiennent collés ensemble. Ça, je penserais pas que ça colle ensemble. Non, ça marche pas. On est prêt? Fait qu'on mange le gros orteil. Non, j'aime ça les. Moi, j'aime ça le jaune. Je vais goûter séparé. Je vais goûter le rouge. Le rouge est très moelleux. Mm-hmm. C'est pas des saveurs intenses, on va se le dire. C'est quand même assez fade. Fade, je dirais plutôt léger. Léger, oui, oui. Parce que je trouve que le goût de sucré tombe pas sur le cœur. Non, c'est ça. Ça se mange tout seul. Mais pour la saveur de chaque individuellement, mettons le blanc. Ben la guimauve, on s'entend que ça goûte pas grand-chose, la guimauve, là. J'avoue qu'on dirait que c'est comme un jujube sans saveur que t'es supposé... qu'on a comme oublié de mettre le... C'est comme le tofu du jujube. Ouais. Ça prend la saveur du rouge. Sauf que dans ce cas-là, je mange des rouges. Ça moi, je trouve pas que ça goûte la barbe à papa du tout. Là. Moi non plus. Mais de toute façon, fraise et guimauve, est-ce que tu dirais que mélanger ensemble, ça fait une saveur de barbe à papa? Mettons, tu t'imagines une vraie guimauve et une vraie fraise pas en tout. Là. Barbe à papa, c'est typiquement... Barbe ça goûte le rose, ça goûte la gomme ballon quasiment. Ou... Mais j'aime ça, mais je trouve ça fade, léger. Je pense pas que j'en rachèterais. Moi non plus. Je l'avais dit, c'est Allen. C'est des jujubes de grand-mère. Non, mais plate. On est à combien de moyenne aujourd'hui? Sur 6 affaires. Qu'on dit vraiment A1. Ben, les turtles, sauf pour le sel. Bon, écoute, je pense que notre dernier item cette semaine a beaucoup, beaucoup de pression. Oui. Bon. Vraiment, ça, c'est ce qui va réchapper, rescaper, sauver l'émission d'aujourd'hui. Donc, là, je te disais... On va manger quelque chose, tu sais, similaire, mais un peu comme moitié inverse proportionnel. Là, tu vas mettre les mots qui manquent dans la phrase, c'est ça? Donc, on va goûter. On aime le sucré salé. Ouais. Mais là, j'ai un sucré poivré. Hein? Sucré poivré? C'est du chocolat noir au poivre rose. J'ai vu cette marque-là à l'épicerie Dolphin. C'est Dolphin, c'est belge. C'est écrit « Made in Belgium ». Mais il n'y a presque rien d'écrit en français, là. Ben, tu sais, c'est écrit en gros noir au poivre rose. Ah. C'est écrit chocolat, mais c'est écrit Made in Belgium, The Art of Blending, Pure Chocolate, Met Rose Pepper, Dark Chocolate with Pink Peppercorns. Moi, je suis habitué à du poivre rose dans mon jambon, mais pas dans mon chocolat. Donc, là, oui, c'est beau. Hey, c'est beau. Là. Excusez-moi, j'ai comme mangé mon micro. Hey, là, on a déjà 6 affaires en studio à manger. Mange pas ton micro. 6. Il y a peut-être plus que ça. Ah, ben non, ben donc, arrête donc. Okay. Le. Oui, l'emballage. Rose. Il est très beau. C'est un vieux rose. Je trouve ça magnifique. C'est comme féminin à outrance. On dirait, ça n'aurait pas surpris si tu m'avais dit que dedans, c'était une serviette sanitaire. T'sais. Pour vrai? Pour vrai, là. Mais pour vrai. Ah, ouais. C'est vrai qu'il est comme en... Je sais. Il s'ouvre comme une serviette sanitaire. Ah, c'est vrai, hein? Maintenant que je te l'ai dit, tu peux pas le dévoir. Non, je peux pas arrêter de le voir, donc je le dévoie pas. C'est 70 grammes. C'était quand même plus dispendieux là, que les autres chocolats. C'est fancy, ça dit c'est poivre rouge. Oh, ouais, c'est poivre rouge. J'ai vu ça, j'étais comme non, hein? Non, non, bon. Sauf que ça s'appelle poivre quelque chose, là, mettons un restaurant. C'est super cher. Donc, pour une demi-tablette, c'est 180 calories, 12 grammes de gras, beaucoup de gras saturé. Beaucoup de sucre, mais beaucoup moins que dans le Mountain Dew. Peut contenir amandes, noisettes, lait, œufs, blé et ou tous leurs dérivés. Donc, il peut avoir n'importe quoi là-dedans. Donc, écoute, j'étais comme déjà un peu en train de l'ouvrir. les ingrédients. Pâte de cacao. Pas pire, il y a plus de cacao que de sucre. En deuxième, c'est le sucre, beurre de cacao. Des baies roses, vanille naturelle, émulsifiant. Ah, c'est 50. C'est écrit minimum 52% de chocolat. Donc, je trouve ça bizarre qu'ils disent minimum 52. Ils savent pas vraiment la teneur. Ouais, hein? Bizarre. Et noir, c'est limite noir. À 52, c'est limite ah oui? noir. OK, je savais pas ça. Parce que plus qu'il y a de cacao dedans, plus qu'il est noir, on s'entend. Mais je te dirais que 52, en bas de tout ça, c'est plus même noir. Ça devient chocolat au lait, quoi? Genre. OK. Hey, t'es-tu prêt? Je suis très, très prêt. Est-ce qu'il y a des ailes après ton tampon? Excuse-moi, ton... Ouais, non, c'est pas un tampon. C'est une blague. Ouais. Bon, on va voir. On va l'ouvrir. On l'ouvre. Es-tu prêt? Je suis prêt. Le micro magique est prêt et t'attends. Chocolat Dolphin. C'est très épais, plastique. C'est pas cassé. Oh, ça se déroule. Quoi? Regarde, c'est comme une petite pochette. Ah, ben oui. Pareil comme une serviette. Non, je sais pas rendu. Ah ouais, vraiment. Vraiment. Là, t'ouvres ça comme une petite pochette plastifiée. Ça dit « Dolphin, créé avec passion et savoir-faire par nos maîtres chocolatiers. » Ah ouais. « Jim Hack, met passionno outdoor on chocolate mystère. » C'était bon. J'y croyais. « Made with passion and know-how by our master chocolatiers. Meet little stuff on no outdoor insert method chocolatier et gel. » Ça te fait mal à la gorge. Ça te fait mal à la gorge. Donc, on a la pochette, elle ne fait pas de bruit. Là. Ça vaut pas la peine de l'entendre, hein, c'est ça. Ah, hey, c'est du suremballage. Là, là. Non, mais c'est normal. Là, la barre de chocolat est emballée dans un papier à l'intérieur de la petite enveloppe de tampon de serviette sanitaire. Mais c'est tout le temps ça. Mais c'est ce que je trouve bizarre, c'est que l'emballage, c'est comme du papier dans un plastique. Mm-hmm. C'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Ensuite, ben, on a entendu le petit papier plastique là, à l'intérieur traditionnel. Donc, est-ce que c'est la précasse avant de l'ouvrir? Ben, d'habitude, je fais ça, mais là, je veux l'ouvrir, je veux voir de quoi elle a l'air. Mm-hmm. Parce que des fois, il y a des petits dessins, des logos, blablabla. Bla, bla. Est-ce qu'il y a un petit dauphin dessus? C'est ça que je veux savoir. La marque, c'est Dolphin. Je m'attendrais à voir un dauphin. Ben, à date, on n'a pas vu de dauphin. Là. Sur l'emballage, il y a un pot de lait, du bois, des amandes, de la cannelle. OK. Donc, ils sont très littéraux. Très littéraux. Hé, hey, ça, c'est étrange! D'habitude, c'est séparé en petits carrés. Oui. Mais là, c'est séparé en palettes faites sur le long. Ah, c'est beau, j'aime ça. Ah, ben oui, quelle bonne idée. Parce que c'est rare qu'on mange juste un carré ou deux. Mange une barre. Mais oui. On le fait déjà avec les caramels. C'est pas une barre, le caramel. C'est ça. Oui. Caramel, non, Kit Kat. Non, ben caramel aussi. Non, bon, caramel, c'est des petits carrés. Ouais, je sais, mais tu prends une barre de petits carrés. On ah, fait mais pareil. Mais tu fais ça avec toutes. Pas juste les caramels. Donc, épuré comme design, ouais. C'est des petites lignes qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Donc, je vais te péter une barre. Pète-moi une ligne. Donc, je te laisse dans le couloir magique te prendre une barre. Merci. Je peux te le taper contre le reste pour enlever les miettes. Merci beaucoup. Donc, hey, l'odeur, ça sent quoi? Ça sent fort. Ça sent vraiment le chocolat et le poivre. Oui. Ça sent vraiment le poivre, étonnamment. C'est vrai? Est-ce que tu penses que je vais éternuer? Peut-être. Oh, je suis vraiment curieux. Mais du poivre rose, là, mettons, en termes de saveur, là, est-ce qu'on remarque tant la différence entre le poivre rose et le poivre noir? J'ai jamais vraiment remarqué. Je sais même pas si j'ai déjà mangé du poivre rose. Il y avait dans mon jambon, comme j'ai dit tantôt, mais on le remarquait pas vraiment. OK. Fait que t'es prêt? On est prêt. En goûte. Allons-y, ben, je baisse la trame. Oh, wow! C'est bizarre! Hein? J'ai mais pas c'est ça. Pas mauvais! Hein? Mm-hmm. C'est vraiment très poivré! Ouais! Tu t'attends pas à ce que ce soit autant poivré? Tu sens vraiment que tu croques dans les grains de poivre, mais c'est un poivre quand même assez doux, poivre rose, j'imagine. Mm-hmm. Parce que j'ai mangé mon pâté chinois cette semaine, j'ai croqué dans un grain de poivre, j'ai comme un peu pleuré. Mais là, c'est quand même doux. C'est un poivre. On dirait que ça te réchauffe, là. Moi, je me sens tout réconforté, là. C'est particulier et j'aimerais voir l'utilisation du poivre dans d'autres produits. Mm. Ça me donne envie. De... Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça audacieux. Puis je trouve que le chocolat noir, c'est déjà très puissant. Mm. Donc, je pense que c'est possible de marier justement avec des saveurs puissantes comme le poivre. Puis je trouve que l'équilibre entre les deux saveurs est parfait. Ça fait ensemble à merveille. Contrairement au sel dans les turtles qui est quasi absent. C'est ça. C'est fait comme Dolphin. Mettez-en de la saveur. C'est ce qu'on veut, sinon on achèterait du produit normal Charlotte. C'est ça. Hey, je trouve ça parfait. C'est vraiment bien. Bon. Et comme je l'ai dit, je les ai vus en épicerie récemment, donc c'est pas des produits dans des magasins spécialisés. Ben, je suis allée au métro. Oui, c'était donc, chez le métro aussi. C'est là que tu vas. Moi, c'était un autre métro qui était pas à côté de chez vous. Donc, il y a ça dans les métros. C'est quand même 4,50 environ pour une petite tablette de 70 grammes. Mais c'est dans le truc où tous les chocolats de luxe sont... C'est là. Ça, ben toutes les barres Lindt. Tu t'attends à ce prix-là. Côte d'Or. Oui, Côte d'Or, exactement. C'est tous ces produits-là. Donc, c'est dans ces coins-là. Mais pour vrai, si vous voulez explorer des saveurs différentes au poivre... Et il y a d'autres saveurs pas mal. J'ai vu beaucoup de couleurs de Dolphin. C'est D-O-L-F-I-N en passant. Donc, cherchez-les à côté de poivre rose. Essayez les autres aussi. Mais j'ai pensé aussi acheter, il y en a un au gingembre. Mm-hmm. Poivre rose, ça faisait quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Puis je pense que c'est vraiment une réussite. Vraiment, là. Hey, on finit sur une bonne note. Enfin, le premier sur six qu'on est à 100% à recommander le produit. Est-ce qu'on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant? Les Doritos roulettes, où on a dit que ça manquait de piquant les fois où c'était supposé être piquant. C'est rare, puis ils sont pas assez piquants. Ouais. Ensuite, on a goûté au Mountain Dew Code Rouge, qui est présentement en concours, en compétition, contre deux autres saveurs Mountain Dew, qu'on peut aller voter d'ici le 6 août. Mm-hmm. Nos superbes chocolats Mini Turtles, oui. Sucré salé, on a trouvé que ça manquait de sel. C'est surtout sucré, malheureusement. C'est ça, mais ça reste bon parce que c'est des Turtles. Exactement. Ensuite, on a goûté au craquelin de bretzel. Donc, repensez votre bretzel. On avait goûté à la saveur ail parmesan. Toi, t'as aimé? Oui, adoré. Moi, j'ai pas trippé. Je pense que c'est sur l'assaisonnement qui est peut-être un peu trop poudreux, le goût de bretzel peut-être pas assez présent. Ça reste un bon produit, mais pas nécessairement ce que je recherchais. Mm-hmm. Et on a terminé juste là avec ces chocolats Dolphin au poivre rose. On avait aussi les jujubes Allen Bigfoot, peut-être pas assez goûteux, trop léger. Trop léger, moi je dirais. C'est pas la saveur attendue non plus. Non plus, ça fait pas de la barbe à papa. Fait voilà. Que notre gagnant, définitivement, le chocolat Dolphin. Chocolat noir, poivre rose. On aime ça. Puis en plus, le chocolat noir, c'est pas si mauvais que ça pour la santé, là. Pas non, de temps en temps. Faut se dire ça, une coupe de vin, puis ça. Là. À chaque jour. Tous les jours. Éloigne le docteur. Une coupe de vin rouge. Ouais. Je disais que le vin rosé était apparemment la meilleure combinaison à avoir. Ah oui, donc, pêche-toi dans le vin rosé, je disais ça récemment. Mais non, il y a juste moins de calories. Ah ouais, bon. Donc voilà pour Assemblage requis. On se retrouve la semaine prochaine, les jeudis, entre 14h et 18h, pour commencer les palmarès c'est fou à 14h, ensuite Assemblage requis à 15h. Après nous, il n'y a pas de recrévélé cette semaine, ça va à 13e étage à 19h. On repasse le samedi à midi, c'est Assemblage requis, 15h, les palmarès c'est fou. Restez là à 16h pour les précieuses ridicules, le magazine culturel. Et finalement, les lundis, entre 14h et 17h, c'est Assemblage requis, 17h, les palmarès c'est fou. Après nous, finalement, il n'y a plus Raconte-moi ta ville, c'est terminé. Donc ça va à 19h pour les bonnets rouges et progressions oniriques, donc du punk rock et du power metal progressif. Sif.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour tout ce qui concerne l'émission, les notes, les balados de diffusion, tout est là, assemblagerequis.com. Merci beaucoup, Stéphanie Paradis. Ça fait plaisir, Mathieu Plante, puis je vais être là la semaine prochaine si tu veux bien m'accueillir. Je le veux, et je crois qu'on va être encore que toi et moi la semaine prochaine, donc petit party. On va peut-être moins manger, là. Juste une fois dans l'émission. Oui, ça va être assez. On va manger avant. Oui. J'ai pas encore mangé de repas complet, c'était beaucoup de collations. Ah, détail. Ah, c'est ça. À la semaine prochaine. Bye!